Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo. Bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui. Oh, il y a une musique. Oh, écoutez. L'ascenseur. Une petite ambiance. Première surprise. Okay. Mais oui, t'avais pas entendu le nouveau générique. Ben non, je m'entends peu. Pourquoi? Quel connard. Nous sommes ce soir dans le Floodcast. Oui. C'est tout? Ouais, c'est ça. J'ai pas écrit toutes les paroles. C'est un bon résumé. Ouais. Ça marche bien. Nous sommes avec, comme à l'accoutumée, quatre invités. Tout d'abord, Adrien Méniel. Ah ouais. Donc je suis invité à nouveau maintenant. Oh, écoute, j'étais co-host, mais, alors, je suis redevenu dis-moi invité. Comment tu veux que je te présente? Avant tu disais co-host, je sais pas, ou rien, ou je suis là. T'es un mec génial en tout cas. Adrien Méniel, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, peut-être en chanson? Non mais c'est quoi ces pièges là? C'est pas du tout un piège. Non mais en fait j'ai investi dans une boîte à son et du coup j'essaie de la j'essaie un petit peu de la rentabiliser. Oh, mais un logiciel, t'as pas encore acheté le petit truc? J'ai pas encore le trackpad. Tu veux que je change de son? Je peux faire ça. Bon, ok, présente-toi. On verra. Là je suis pas chaud. Pardon, excuse-moi. Peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Voilà, je suis le mec du Floodcast quoi. je suis acteur, auteur, je fais une série, la deuxième saison dont on peut pas parler. Ah bon? Parmi toutes les séries dans lesquelles j'ai joué, ouais, j'avoue que moi aussi je vois plein de gens à Cabo en ce moment. Et j'ai aucune idée ouais. De quelle série ça peut être. Non, c'est... YouTube veut pas qu'on en parle. Ah donc, ben. Mais la suite, ok, d'accord. Voilà, c'est ça. Nous sommes également avec Anne-Sophie Girard. Oui. Oh, on peut t'appeler Anne-Sophie? Ouais. Anne-Sophie, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Je suis comédienne, humoriste et auteur. Et voilà, j'écris des livres aussi avec ma sœur jumelle. Entre autres? Entre autres. Entre autres titres, pardon, entre excuse-moi. Autres, oui, entre autres de mes j'ai activités. Pas mis les noms communs. Entre autres titres, La femme parfaite est une connasse. Bien sûr. Voilà, et la suite, La femme parfaite est une connasse de le retour, parce que la connasse ne meurt jamais. Tout à fait. Voilà, donc il y aura un 3. On est en train d'écrire La mère parfaite est une connasse, parce que je suis depuis peu tati. Trop mignon, félicitations. Bravo. Félicitations. Bravo. C'est une affaire de famille. Et ben, du coup, on avait plein de trucs à dire, et on espère que ce soit rigolo. Bah... Je ne suis pas inquiet là-dessus. Alors... Mais attends, j'avais pas vu un truc, l'homme parfait est une connasse, non? Si, effectivement. L'homme pâle est une connasse. On a fait aussi, on a fait aussi une BD avec Margot Motin. Exact. Bien sûr. Ouais. Et puis plein de choses cool qui arrivent. Un maximum Margot de choses. Et un podcast aussi. Et c'est pour ça que j'aimais bien l'idée voilà. Dans le cadre d'une promotion, peut-être. Bien sûr, au final. Moi, j'ai l'impression que tu batifoles entre les projets. Peut-être que je me trompe. Comme un papillon, quoi. Voilà, ouais. Nous sommes également avec Alison Wheeler. Alili. Bonsoir le flot de casse. Alison Wheeler, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Eh bien bonsoir, je suis Alison Wheeler, je suis comédienne, je suis humoriste également, j'officie sur l'émission Quotidien. Quotidien. T'es autrice aussi maintenant. Autrice, mais oui. Parce que pareil, dans le cadre d'une promotion. Dans le cadre d'une promotion, je sors un livre aujourd'hui. Il est sorti aujourd'hui. Bien sûr. Ouais. Ça s'appelle Ma vie est mieux que la vôtre. Et c'est un détournement de livres, conseils de vie pour être heureux. j'en suis assez fière, je l'aime bien ce livre. On te remercie parce que tu as couru, parce qu'on dévoile, nous on dévoile tous les backstage. Tu étais à Quotidien il y a 10 minutes et vraiment on était devant la télé avec Adrien et on se disait, elle va courir. Vous regardez quoi? On regardait Quotidien. Ah, c'est vrai? Oui, regardez-toi, ma grande. Alors, nous sommes également avec Léopold Lemarchand. Oh là là, la pérave. Léopold, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Ah, c'est fini, Léopold. Ouais, j'ai dû laisser sur Instagram et Twitter parce que, évidemment, tout le monde s'appelle Léopold. Mais non. Enfin, c'est déjà pris, Oui. T'avais peur de perdre la petite notif, avoue-le. Ah non, en vrai, je m'en fous, ça me ferait très très chier de plus l'avoir. Écoute, pour me présenter, je suis auteur, comédien et je suis très ravi d'être ici. À Webedia, donc. Ça a été racheté, oui. Ah oui, c'est le truc qu'on n'a pas dit. Il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. En fait, merci. Voilà. Merci beaucoup à Webedia. Que vous le sachiez aussi, on a Michel Sardou qui, de temps en temps, viendra pendant l'émission donner son avis. Bon, c'est un ami de l'émission, tout simplement. Peut-être on peut demander d'ailleurs ce que ça pense Michel Sardou de rejoindre Webedia. Ça me fait chier, hein, je ne le cache pas. Les amis, pour commencer l'émission, parce que la dernière fois, parce que vous êtes tous venus en fait dans Floodcast, ouais. Il y a quelques temps maintenant, entre temps. Ah, moi j'étais pas là quand t'étais venu, Alice. C'est vrai. C'est vrai. Ah, voilà. Pourquoi Je sais pas. T'étais pas dispo. Non, je crois que j'étais malade. Je suis pas sûr. Ah, bébé. Bah, ça m'arrive. Je suis en rock. Voir les gens. C'est pas faux. Non, mais je suis en rock, mais voilà, parfois un rock se fissure quoi. C'est... Le rock qui se fissure, qui est ton bouquin, qui c'est sort ça, justement à la rentrée. Avec la préface de The Rock. Et un single de Nadia aussi. Donc oui, la mission a changé, parce qu'on maintenant est devenu les grosses têtes, un petit peu dans le sens où on parle. On fait des blagues d'actu... racistes. Ouais, exactement. Non, en fait, on lit les actus un peu insolites et je vous pose des questions pour que vous deviniez les réponses et on en parle tout de suite après. Ouais, j'aime beaucoup aussi. Si ça nous plaît pas, par exemple. Ouais. Bah casse-toi mon gars. Allez. C'était quoi le bruit de Flipper? C'est moi. À tout moment il peut imiter Flipper. Ouais, faut le savoir. Donc on doit répondre avec un accent ou pas du tout? Vous n'êtes pas obligé. Non non. Ça m'arrange. On peut hein. Non vraiment vous n'êtes pas obligé. On ne s'interdit rien. La première actualité, les faits se sont déroulés à l'hypermarché de la Rotonde à Béthune. Petit coin merveilleux. Dans le nord. Tout à fait. J'ai aucune idée. Il n'y a pas de buzzer? Non, malheureusement c'est à qui mieux. Tu m'exaspères, je me casse. Un client a tenté de subtiliser une bouteille d'alcool coûtant tout de même la coquette somme de 1 400 €. Pardon. Ah oui. Attends, dans un Super U? Dans un hypermarché. Je n'ai pas la marque de l'hypermarché. 1 400 €. Je pense que c'est un Super U. 1 400 €. Mais genre dans un Super. Bon, c'est faux. Allez. Ouais. C'était faux. Donc 1 400 €. À votre avis, comment a-t-il fait pour subtiliser la dite bouteille? Il a utilisé un stratagème digne de George Clooney dans le film Ocean. Bon, 12. Je vais le dire tout de suite. Elle est descendue du plafond. Alors moi j'allais dire, il s'est mis dans le cul, la bouteille. On voit qu'on est débarrassé comme ça. Non mais c'est dit. Voilà, c'est dit. C'est pas ça. C'est pas ça. Bon. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même une chance sur deux que ce soit ça. Voilà, bien sûr. Vu que tu l'as sélectionné. Vu que je l'ai sélectionné, souvent on est là-dessus. Est-ce que c'est il est rentré de façon normale et il l'a caché sur lui? Enfin, non, pas non, il l'a pas caché, mais il a été malin. Il était seul. Où il était accompagné d'un complice. Ou plusieurs. Il était parfaitement seul. Oh. Ce qui rend le truc encore plus magnifique. Il avait un porte-bébé, il l'a mis dedans. Non, pas du tout. Vas-y. Non, j'avais pas d'autre réponse, j'ai juste voulu. Est-ce que c'est le genre de stratagème un peu genre, tu sais, hidden in plain sight, comme on dit? Ou genre, il l'a même pas caché, mais il l'a pas fait. Comme ça, personne ne dit ça. Ouais, ouais, c'est aux States. On dit ça aux States. Ah, ok. Vérifier. S'il aurait pas fait un tour de magie. Sinon. Il y avait ma question. Auquel j'ai pas répondu. Mais non, c'est faux. Mais c'est en pleine enquête. Non, c'est pas ça. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Genre, il est allé se plaindre, oh, cette bouteille, machin, puis après il l'a prise, machin, au lieu de la cacher. Non, pas du tout. Donc il l'a caché. Il l'a pas caché. Oh. Il l'a mise dans son pantalon. Non. Il l'a bu sur place. Et non plus. Excuse-moi, j'ai peut-être insisté, mais est-ce qu'il a fait un tour de magie? Bah non, parce que j'ai dit non. Une seringue. Non. Il l'a pas caché, donc il l'a. Est-ce qu'il a transvasé le liquide? Il a fait un truc que font un peu les voleurs amateurs, que même les ados ont pu faire, que j'ai peut-être fait dans le nose d'autun. Il a changé l'étiquette. Exactement. Oh, bien joué. Voilà. Bravo Anne-Sophie, il a changé l'étiquette. Pour mettre quoi? Pour mettre une étiquette beaucoup moins chère à 14,99€. Donc effectivement. Et ça n'a pas marché? Et ça n'a pas marché. Il s'est fait choper assez vite. J'ai l'article. Et toi, tu faisais ça? À Nose, ouais, des fois je mettais d'autres étiquettes pour faire passer les trucs. À Nose, c'est l'équivalent de Action. De After Farfouille. Ah, non, pas Action. Ah, non, mais t'as acheté quoi? Je me souviens, c'était des DVD à Nose, beaucoup. Il y avait des DVD. L'étiquette. Bah oui, mais après j'étais ado, donc j'avais un argent de poche moindre. Donc non. Même une différence entre 5€ et. Pardon? J'appelle les flics. Un vol, c'est un vol. C'est vrai, mais tu sais, moi j'ai côtoyé le pavé, hein, Alison. Je peux pas non plus. Faut pas me jeter la pierre. Donc effectivement, il a volé. Enfin, il a mis une étiquette à 14€ et quelques. Il a été interpellé. De Capricorne, une étiquette de Capricorne. Mais le parquet a quand même décidé de classer l'affaire sans suite et le vin est retourné en rayon. Donc voilà. Donc c'était du vin. Et Michel est retourné dans le château. Voilà. Quel hypermarché vend du vin à 1400 balles? Ouais. Ça me paraît un peu gros. Non, maintenant ça m'intrigue. Détective Méniel. Moi j'y crois pas. Détective Méniel. Non, mais ne regarde pas les réponses. Non, mais on est où, Alison? Pardon. Je sais pas pourquoi c'est un réflexe. Mais t'es complètement en roue libre. En fait, le respecte pas moins que Yann Barthès, ce mec. Ce que tu ferais pas avec Yann Barthès, tu le fais pas. Tu fais pas avec moi, d'accord. Ne l'affiche pas aux autres. Avec quel objet inanimé Michel vit-elle un amour passionnel depuis maintenant 5 ans? Je dis pas parce que je sais. Mais non, mais tu ah peux si, dire. Vas-y, ah bah tu si, vas-y, ah, nique l'émission, vas-y. Non mais, et genre, alors, dis-moi si je me trompe, elle a eu un coup de foudre il y a des années en arrière et elle a une version miniature chez elle à qui elle fait un bisou avant de se coucher. C'est ça. C'est alors, on peut, est-ce qu'on peut chercher un peu ou... Ouais, bon, allez, vas-y, cherche un petit peu. Je sais pas. Est-ce que tu peux chercher sur une ambiance jazz? Bien sûr. Un objet insolite. C'est une miniature de quelque chose? De quelqu'un? Non, c'est un objet. Ah, mais c'est la Tour Eiffel? Non. Est-ce que pas c'est genre un truc très grand qu'elle peut pas avoir chez elle et du coup elle a... Oui, si. C'est un peu ça et ce n'est pas mon sexe, je plaisante. C'est un monument ou pas? Est-ce que c'est ça un monument? Ça passe avec du jazz. Ce n'est pas un monument. Non. Une statue? Non, pas non, du pas tout. Loin. Quelque non, chose qui est dans l'espace public, genre dans la rue? Pas vraiment dans la rue. Non mais je veux dire dans... Dans l'eau. Tu peux y accéder. Non, mais essaye un autre élément. Essaye un autre. De l'air. Oui, ah. Un avion. Oh, oui. Oh, le point revient le Concorde. À Alison Wheeler. Oh, ouais. Elle est amoureuse d'un avion? Elle est amoureuse d'un avion. Mais attends, merci Alison, n'importe quel avion? Non, non, non. Oh un avion très précis. Elle est précis. Folle alliée. Non. C'est quoi cette histoire là? J'aimerais un petit peu démêler cette histoire. Je vois ça. Peu. Écoute, elle est tombée amoureuse d'un Boeing 737. Mmh. Tout ben ouais. Simplement. Comme nous tous. Mais pas juste un en particulier, pas le modèle. Écoute, je vais te lire l'histoire telle que l'ai sous les yeux. Mais en attendant que ça. Une Allemande de 30 ans vit une histoire d'amour un peu particulière depuis 5 ans. Elle est amoureuse d'un Boeing 737-800. La jeune femme s'est confiée à l'agence de presse britannique Barcroft TV sur son objectophilie, donc qui est un vrai terme quand ouais. On est amoureux ou amoureuse. Non, c'est quand on est amoureux ou amoureuse d'un objet. Ça peut en devenir une selon l'objet. Une attirance sexuelle pour un objet. Le Boeing 737-800 est très séduisant et sexy pour moi, dit-elle. À la manière de tragédie, elle danse sexy pour lui. Il est très bien bâti et c'est un avion très attirant pour la jeune femme. Cette relation n'est pas différente de celle qui lie les couples. No. À quelques détails près, je pense quand même, mais je me permets. C'est après, je suis très woke, hein, je ne juge pas. C'est quoi? Non, je dis. Enfin. Vas-y. Non, mais clairement, elle se met le truc dans la chatte. Quoi. Oui, bah bien sûr. Elle le dit pas dans ces termes-là. Elle c'est une relation amoureuse. Non, mais elle dit c'est absolument pareil que n'importe quelle autre relation. Donc. Il y a relation sexuelle. Enfin, il y a quand même un quoi. Relief qui est très douloureux, j'imagine. On va pas... Non, mais. Ça, oh, le au niveau des ailes. Ouais. Ah, mais avec, elle est au 7ème ciel au ou quoi des réactions, oh bah, c'est les grosses têtes. Bah, t'es dans le thème. Non, elle dit c'est une relation normale. On passe des soirées ensemble et quand on va dormir, on se fait un câlin et on s'endort l'un contre l'autre. Voilà, Michel. Normal. Ah, mais donc. Mais il est grand comment? On sait non, pas. Parce qu'elle a la une miniature. Il y a une photo ouais. Que je vous invite à taper. Mais elle est miniature. Qu'à peu près. Non, elle est ah grande oui, comme grand. Les deux ah bras oui, écartés. Je retire bon, ce que j'ai dit. Non, non. Ça c'est, peut. Mais c'est faut... platonique, je pense. Je pense. Je retire, pardon. Alors, sachez qu'elle a quand même appelé l'avion Schatz. Elle est avec Schatz depuis le 11 mai. Schatz, apparemment. Depuis le 11 mai 2014, à l'aéroport de Tegel à Berlin, je regardais les avions et ce Boeing 737-800 m'a approché. Et depuis, je suis tellement amoureuse de lui. C'est lui qui a fait le premier pas, donc c'est. Visiblement. Schatz est très gentil et j'adore. Schatz est très gentil, donc ça très difficile à savoir comment. Ça reste un objet inanimé. Bah attends, il déplace des gens, il les a emmenés en vacances sans demander son reste. C'est vrai qu'il a le cœur sur la main, Schatz. Il la respecte. Et j'adore son aérodynamisme. Cœur sur l'aile. J'adore son aérodynamisme et son apparence. En particulier ses ailes. Oh, oh cocune, Michel. Il l'a pris sous son aile. Bien sûr. Mes joues me font mal à force de sourire. Je suis la femme la plus heureuse du monde. Quand je suis avec lui, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Bah voilà, si ça la rend heureuse. Bah bien sûr que ça la rend heureuse. Elle est tarée, mais c'est trop bien pour elle. C'est génial. Michel Sardou a peut-être un avis sur la question. D'accord, okay. tant pis pour celle-ci. Est-ce que vous avez déjà eu, alors peut-être pas avec un avion, mais quand vous étiez plus jeune, une relation particulière avec peut-être un jouet, ou avec un doudou, ou avec une peluche? Pas forcément l'emmener dans moi, son lit. J'étais mais... très très amie, c'est très intime, mais avec bon, non pas une relation intime. Mais j'étais très jeune, j'avais un arbre qui était un ami, et en fait il se divisait en deux parties. Je m'asseyais au milieu et je lui parlais. C'était très triste. Comme dans Forrest Gump, un peu. Juste parce que c'est une branche. Il s'assoit sur une branche. Non, bah, voilà. Mais jusqu'à quel âge? 4-5 ans. Ah, j'étais sur un 17 moi. Non, ça un va. Jour, non. Je suis allée dans le parc et il l'avait rasé. Oh. Ça m'a vraiment coupé le... L'herbe sous le pied. Oh. Je sais pas, été assez vite sur mon jingle de batterie. C'est con, j'ai arrêté de stylé. Léopold? Bah non. Pas personnellement. Non, je sais pas, un doudou, un truc. Non, moi j'ai eu des peluches avec qui je suis resté ami très longtemps. Non, non, non. À défaut d'être humain. Si, j'ai eu un... Comment ça s'appelait? Un mouton que j'avais appelé Thibaut. Voilà. Non, mais, parce qu'à l'époque, j'étais amoureuse à sens unique d'un Thibaut. Et donc, tu l'as remplacé par un mouton, voilà, bien sûr. Une peluche projeté... de mouton. Oui, ah. Un mouton. Et que j'avais appelé Thibaut et que je me suis fait voler, complètement dépouillée par des punks à chiens. Et non, mais ce qui était hyper triste, c'est qu'ils m'avaient volé toutes mes affaires et qu'ils avaient donné Thibaut au chien. Et donc, vraiment, ça m'a brisé le cœur. Voilà. Une t'avais quelle âge histoire. Ah, j'avais 17 ans. Ah j'avais, ouais, je partais faire les saisons et j'avais mis Thibaut dans mon sac. Je m'étais fait un peu vieux quand même. Non, mais non, parce que je partais faire la saison, je l'avais mis dans mon sac, tu vois, pour avoir un. Bien sûr. Voilà. Moi, je trouve un ça. Vieux. Moi, un peu vieux pour avoir un doudou. C'est un morceau de moi que je vous ai livré. Moi, je trouve ça un peu triste. Moi, j'ai baisé très tard, par contre. J'ai pas eu de. de jouer ou. Voilà. Cette ambiance de gêne. Le silence qui fait. On passe à la troisième question. Quel dispositif assez particulier a mis en place un auteur norvégien pour la sortie de son livre ? Dispositif, qu'est-ce que ça signifie ? Bah, de promo, quoi, j'imagine. Voilà, une façon de le publier. Comme qui est un PNL peu original. Qui a fait le truc avec le Uber, là, il a fait un truc. Il l'aurait écrit sur les trottoirs ? Ou pas du non. tout. Non, mais, parce que j'ai vu écrit ça. Sur les murs le nom de ce qu'il aime ou pas. Non, mais j'ai vu, vous avez pas vu sur les trottoirs à Paris avec un pochoir, il y a des passages entiers de romans. C'est vrai que l'amour et court les rues. Un moment je trouve. Pour, et que Jésus sauve. C'est les oui. deux trucs. Oui, yes. Non, donc c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Mais c'était pertinent. Mais c'était magnifique. Est-ce que c'est musical ? Non, c'est pas musical. Est-ce que c'est affichage ? C'est pas affichage. Est-ce que ça l'implique lui-même en tant que personne ? Non, pas spécialement. D'accord. Est-ce que c'est un truc sur internet ? Pas du tout. Est-ce que c'est un truc dans la vraie vie ? Bien joué. Est-ce que c'est un hologramme ? Non. Est-ce que c'est virtuel ? Non. Est-ce que c'est dans la rue ? Non. C'est éphémère ? Non, mais c'est pas tout de suite. Ah ! Ah, je vous donne un petit. Est-ce que c'est dans l'espace ? Non, c'est pas dans l'espace. Un compte à rebours avant la sortie, particulier ? Alors. Pas mal. Tu t'approches, mais en vrai. Il y a de la vivacité. Hein. Bah, c'est très rapide. En fait, c'est nul comme info. Non, mais en fait, c'est-à-dire qu'on pourrait. C'est un peu ça. Ouais. Mais j'ai peur que ça vous perde si je vous dis que c'est un peu ça. Ah, tu vois ce que je veux dire ? Tu viens de le dire. Mais je viens de le dire. Du coup, je vous ai pas beaucoup aidé. Est-ce qu'il publie une page par jour ? Non. Est-ce que c'est un objet ? Bah, de toute façon, oui. Alors, c'est un vrai livre. Est-ce qu'il publie une phrase par jour. Non. Est-ce non. que ça implique un écran ? Non, justement, tout le contraire même. Est-ce que c'est. Ah putain. Est-ce que tu peux nous donner la réponse ? Il se l'est tatoué ? Non, pas du tout. Lui ne pourra pas assister à la sortie de son livre. Oh bon, il va apparaître que quand il est mort. Alors. C'est un livre posthume. C'est un livre posthume, mais il est pas. Il va pas se faire euthanasier. Non. Il va se suicider avant la sortie. Non, bah je vais vous donner la réponse parce que ça devient un petit peu triste. Alors le joueur, celui-là. Bah non, mais on n'est pas loin. Parce que ça a l'air trop bien. Ah non, mais c'est lui, c'est un joueur. On va être déçu par la réponse ou pas du tout. Bien sûr. Il est en phase terminale. Il y a un rapport avec la mort ou pas ? Oui. Bah forcément. Ah oui ? Oui. C'est posthume, t'as dit. Ah non, il va tuer quelqu'un, du coup il se rend tôle et il pourra pas voir. Là, je pense que la police aurait agi du coup contre le gars. Non, du coup, mais ça implique sa propre mort ? Non, ça implique pas spécialement sa mort, mais il sera décédé quand ça sortira, c'est ça que je voulais vous dire. Ah, ouais. Son livre va sortir en 3000, un truc comme ça, dans une date très reculée quoi. C'est la bonne réponse, mais en fait, le fait est qu'en fait, il va sortir en 2114, plus précisément, parce qu'en fait, le livre sera. Alison qui touche les boutons pendant l'émission. Tu t'entends mieux là ? Les boutons des micros, pas les boutons des gens. Bien sûr. Non, je m'entendais pas, je voulais faire discrètement, après boutons. Je me suis rendu compte que j'ai vraiment touché un bouton au hasard. Donc c'est Karl Ove Knausgård qui en fait rédigeait un livre qui va sortir en même temps qu'un arbre, au nord d'Oslo. C'est-à-dire qu'en fait il a planté son livre là où il y a une graine d'arbre, ce qui fait que le livre sera présent une fois que l'arbre aura poussé. Je n'ai rien compris personnellement. Il a planté son livre ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et si l'arbre n'éclot jamais, enfin tu vois, ne se développe pas normalement parce qu'il arrive des accidents. Ben oui, sur bah, le non, mais déjà, ça. Bah, ça me ferait mal à ma planète. Non, mais ouais, c'est surtout c'est ce qu'on va vivre jusque-là. Quoi. Alors nous, non, c'est 2114, non. C'est quand même. J'aime pas trop savoir ça. Non, mais attends, qu'est-ce que ça veut dire ? Il a planté un livre, machin. Concrètement, qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais ouvre ton cœur. Déjà, mais qu'est-ce que ouvre tes yeux. Il a planté un livre. Tu vas beaucoup mieux parler. Non, il a pas fait ça, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qu'il a fait ? Écoute, je vais te dire, c'est une œuvre d'art vivante, nous dit la personne, qui s'étend sur 100 ans, d'accord ? J'essaie de trouver exactement les... Non, mais c'est ça, je peux pas te dire mieux, en fait. Le bouquin sera dans une forêt, et donc il est enterré sous terre, il y a plein de noyaux d'arbres, et quand ça va pousser, le bouquin sera disponible. Il intéresse bien. Ça ouais. Mais faisons 100 ans à pousser, un livre, bon sang de bois. Mais pas un livre, l'arbre. Non, mais un arbre, ça met pas 100 ans à pousser. Et bah, ceux-là, ça si. Dépend l'espèce. Ça dépend l'espèce d'arbre. Pas du tout, enfin. Bon, c'est un mensonge, comme le vin à 1400 euros dans un supermarché, là. Tu les as inventés. Moi, je trouve ça super. Je te remercie. Non, bah c'est vraiment... C'est très voix, bah, c'est très touchant et drôle à la fois. Oh, wow. Merci Alison. Je vais aller déterrer son bouquin là. Anne-Sophie, parce qu'on parle de, littérature. Oui. Et toi, tu en as édité pas mal. Près, il sait que l'arbre va pousser à un an près. 2114. Il l'a en travers de la gorge. Non, mais. C'est un mec qui fait son intéressant pour moi, je suis désolé. Parce que j'aimerais savoir, Anne-Sophie, parce que moi je ne connais pas le monde de la littérature, car je n'ai jamais rédigé de livre, je ne suis pas comme Alison et toi. Bon, t'as quand même mis une bonne disquette à la BD, mec. J'ai participé à une bande dessinée qui s'appelait YouTube. Non, c'était quoi ? Les youtubeurs mettent une disquette à la BD, non ? C'était le titre, ouais. J'ai pas choisi le titre. Mais t'étais dedans aussi ? Non. Ah bon ? Non, il te confond avec d'autres femmes parce qu'il est extrêmement misogyne. En même temps, il y en avait que deux dans le bouquin. Mais non, mais il y avait Bagel, tout. Il y avait tout Bagel, non ? Il y avait pas encore dedans, je pense. Toi aussi, tu as participé à l'écriture d'un livre ? Non, la non. Lettre, si, ah oui, lettre, c'est l'ado que j'ai été. Voilà. Je connais très bien. C'est vrai. Exactement. Que j'ai participé à ce livre, excuse-moi, et qu'Adrien aussi. Adrien, super livre. Mais oui. Et non, j'avais oublié. Mais en tout cas, je ne suis pas entré dans le monde de la littérature. Oui. Dans lequel tu as pu entrer car tu as vendu des best-sellers. Exact. Et j'aimerais savoir, parce que bon voilà, je pense que c'est un univers auquel je ne toucherai jamais, puisque je suis pas capable d'écrire des livres. Combien t'as gagné pour les deux livres? En gros, ton cachet, ton avance et. Arrondi en dessous. Voilà. Hein. Non, de savoir, parce qu'en fait, moi j'ai cette photo qui m'avait trouvé magnifique au Parc Monceau. Est-ce que tu peux nous parler de cette photo? C'était avec ton livre sur un arbre qui avait poussé. C'est faux. C'était les best-sellers de l'année. Ah oui, non, la photo des best-sellers de l'Express. Express peut-être, ça, ouais, ça c'était un truc de fou, mais ça existe encore. Chaque année, il y a une double page dans l'Express avec une photo de classe des auteurs de best-sellers. Et on a eu la chance d'y participer deux fois avec ma soeur jumelle, mais c'est complètement surréaliste parce que donc je suis à côté de entre Jean d'Ormesson, tu vois, il y a Amélie Nothomb, il y a, mais bien sûr, il y a les plus grands. Et en plus, l'année d'après, ils te redisent bonjour. Genre, oh, t'es encore là cette année ? C'est génial, c'est super. Moi, la photo que j'ai, en plus, tu es entre. Alors, le casting est super. Christine Angot, Marc Lavoine, Amélie Nothomb et Philippe Douste-Blazy. Oui. Ouais, bah une belle. Et il y a eu Éric Zemmour aussi. Oh. Et tu sais que c'était hyper triste parce que. Éric Zemmour qu'on embrasse, hein, qui est un ami d'émission. Mais oui. Ouais, bien sûr. T'as pas une jingle, Éric Zemmour ? Ah non, je l'ai pas. Et en fait, j'avais remarqué que personne voulait rester à côté de lui parce qu'ils avaient tellement peur de se faire prendre en photo avec lui. Bien sûr. Et donc, ma soeur et moi, ça nous a fait de la peine parce qu'on aurait dit, tu sais, le petit garçon qu'on tapait au collège. Ouais. Et donc, bon, nous, on essayait de faire. Mais qu'on taperait parce qu'il jette des trucs sur les immigrés. Ah, ouais, voilà. C'était il y a longtemps, hein, maintenant, ah, peut-être. Oui. Non, il y a longtemps, la photo, c'est propos sur les immigrés. Et donc, on n'a pas osé dire non, et on se retrouve avec une photo où il y a Éric Zemmour, ma soeur et moi, de chaque côté, avec un sourire ça crispé. C'est collector. Mais d'ailleurs, voilà. Ouais. Et mon père a bien sûr fait imprimer cette photo pour me faire chier et l'a mis dans ses toilettes. Voilà, donc c'est drôle. Ouais. Et on peut le dire dans l'émission, Éric Zemmour, ma soeur et moi, qui va être au cinéma avec Julia Roberts. Julia Roberts, Reese Witherspoon et Éric Zemmour dans son propre rôle. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Nouvelle question, de quel délicieux mets est un. Voilà, j'ai pas du tout écrit cette question. De quel délicieux mets un distributeur a été installé à Saint-Vincent du Lorouer? Alors, je crois que je sais. Fondue savoyarde. Ah, non. Je crois que je sais. C'est en Bretagne ou pas? On sait, on garde un peu de côté. Je ne sais pas où est Saint-Vincent du Lorouer. C'est peut-être la Bretagne, ouais. Baptiste Lorouer. Le Maine libre, donc c'est dans le Maine. Pas du tout. Ah, le Maine. Pas du tout, je sais pas où c'est. Bon. Mais c'est en France? C'est en France, c'est en France. Ah oui, c'est un plat chaud. Non. Ah bon? Non. Kouign-Amann? Non. C'est un dessert? Non. Non, tu dis quoi? Des huîtres? Pas du tout. Oh, okay. J'adore ça. Ah, t'as cru t'être. Non, mais parce que j'ai vu une story, il y a des distributeurs d'huîtres en Bretagne. C'est odieux. C'est génial. Oui, oui. Moi, je suis. Mais oui. Ah, donc je peux jouer donc. Ah, tu peux jouer. Pizza? Non, mais ça, c'est vrai. Alors, que pizza, il y en a à Paris, rue de l'Appe. Mais même. Tu les as goûtés? Non. Il y en a plusieurs. Moi, je vivais à Lille-Saint-Denis, il y en avait un aussi, un distributeur de pizza. Et c'était bon? Immonde. Ah. Mais par contre, tu peux en bouffer à 3h du mat. Parce que moi, j'adore les distributeurs. Ça, t'aimes bien faire ça. Ça, j'adore parce que j'ai une hygiène de vie. Les distributeurs insolites. Dégueulasse. Qui rentrent, ouais, dégueulasse. Mais pas c'est du tout, t'es vegan presque maintenant. Je suis presque vegan. C'est vrai ? Non, mais j'ai réduit ma viande et j'ai découvert du coup le Beyond j'ai Meat. J'ai réduit ma viande. J'ai réduit ma viande, une chanson de. C'est. J'ai le Beyond Meat. Ouais, je me suis rendu compte. Tu couperas. Ouais, alors que pas du tout, mais. C'était pas. Au final, ça peut être. C'est pour ça que le direct marche pas. C'est pour ça que je ferai jamais de direct. Oui, j'ai découvert le Beyond Meat et c'est vrai que c'est délicieux. Si vous avez l'occasion, je trouve ça tout aussi bon que de la viande. C'est une marque. Oui. C'est une marque Beyond Meat ? Je oui. sais pas. Oui, je oui, c'est une marque. C'est quoi ? Ah, c'est une marque, ouais, bah c'est ce qui remplace de la. Je mais t'en achètes tout de ça parce que tout le monde m'en parle. Alors, soit tu tout commandes... le monde m'en parle, mon petit coiffeur m'en une a parlé. Une émission présentée par Laurent Ruquier. Soit tu commandes sur les plateformes de livraison de nourriture et il y a des plats avec du Beyond Meat, ou alors si tu veux en acheter pour chez toi, il y a le magasin Aujourd'hui Demain à Paris, près de Bastille, qu'en vend. Et c'est bon à quoi ? C'est aromatisé, c'est genre... C'est censé coller au plus près d'un vrai steak haché, quoi. Et moi-même qui pensais être relou là-dessus, franchement, c'est vraiment pas loin, quoi. Tu fais quoi ? Tu fais des burgers avec ? Ouais, des burgers surtout. Il faut, y a aussi Beyond Sausage, que j'ai jamais goûté, mais qui est censé... remplacer. Oui, parce que c'est dur à imiter les saucisses, je crois. Ouais. Salut! Ouais, non, j'ai raté. Cantelou n'a jamais réussi à imiter. Cantelou n'a jamais été capable d'imiter une saucisse. Et pourtant, il s'est imité plein de trucs. Hein. Ouais, ouais. C'est le meilleur d'entre nous. Du beurre. Distributeur, pardon. Oui, non, distributeur. Ah oui, les... Du beurre. Non. Mais ça aurait été super. Ça aurait été cool. C'est froid, c'est pas un dessert. C'est froid. C'est un condiment. C'est solide. Je voulais juste dire condiment. Ouais, ça se bouffe. Ouais, ça se, ouais, ça se mange. Un mets délicieux, ça se mange. c'est solide ou pas ? Oui, mais c'est un peu mou en c'est vrai. C'est de la junk food ? Non. C'est pas de la junk food. Non, c'est très. Ah oui, c'est un mets raffiné quoi, du caviar. Pas raffiné, mais on est dans notre pays quoi. C'est transformé ou c'est vraiment juste l'élément de base ? C'est l'élément de base. Sauciflard ? Non. Du homard ? Je vous oriente, on est plutôt dans le. Non ? Vous oriente pas ? Si, si, j'ai changé. Nous sommes plutôt dans le domaine de la charcuterie, tout simplement. Saucisse. Bah non, de charcuterie. Tartare. Distributeur de charcuterie. Non, ce que j'ai dit de le chiffonade. Prosciutto. Oh, c'est des rillettes. Oh, bien joué. Oh là là. Je le sentais. Mais non, je sentais les rillettes là. Félicitations. Distributeur de rillettes. T'as une photo ? Il y a une photo. Et c'est quoi ? C'est un robinet ? Tout est branché à mon ordi, donc c'est compliqué. Un fût, un bro ? Non, non, c'est vraiment comme un distributeur de soda avec le truc qui tourne. Et c'est un pot de rillettes. Voilà, c'est un pot de rillettes. Une portion sous vide de rillettes. Ça, c'est exactement. Et c'est 24 heures sur 24. Donc si vous avez une petite envie de rillettes au milieu de la nuit, tôt le matin, reconsidérez votre vie et peut-être en acheter, tout simplement. Quel secret gardé précieusement depuis des années concernant Koh-Lanta a été révélé par la productrice Alexia Laroche-Joubert très récemment? Ah, j'ai oui dire. C'est... Ouais. Le même, tu parles du même. Vous savez Lanta? Vous le savez vous? Non, non. Non, c'est juste qu'il est féru de même. J'adore le même. Voilà. un secret de production. Un secret de production. D'ailleurs, Michel Sardou a un avis très très tranché là-dessus. On nous prend pour des cons. Voilà. Il a pas la langue dans sa poche. Non, il est entier. Ça pue la brosse à dents, ça. Non. Ça pue le truc de confort. Non. Ok. Mais genre un trucage de. Attends. Non. Est-ce que c'est un truc. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est genre. Non. Aïe aïe aïe, comme Bear Grylls qui en fait passait des nuits à l'hôtel dans Man vs Wild. Ouais. Et oui. Non, c'est pas un truc comme ça. C'est genre. C'est un secret de tournage. Comment ils font pour avoir tel truc ? Il y a Sophie qui est choquée sur Black. C'est une personnalité qui aurait participé et qu'elle a. Non, c'est que ça concerne Denis Brogniart. C'est un scandale. Un truc de Denis Brogniart, on dit bah Denis Brogniart il fait ça comme ça. En fait, non, c'est pipé. Ah, il est pas sur place ? C'est un hologramme. Non. Qu'est-ce qui est pipé ? Ah, tu peux pas répondre. Non, sinon c'est la réponse du jeu. Il fait les lancements, il se barre et il revient. Non, il reste sur l'île. Il est pas resté tout le long des poteaux. C'est impossible. C'est genre, ça, je ne sais pas. Une heure et demie à regarder. Comment sont formées les équipes ? Il a fait perdre quelqu'un ? Non, il a pas fait un truc à la Interville avec le. Non. C'est pas honteux quoi. Non, c'est pas honteux. Mais comment il fait pour faire ça ? Non, c'est comme ça. On croyait et en fait, non, c'est truqué. C'est assez décevant. Ah, c'est truqué. La dernière émission est pas en direct ? Si. Ok. Mais en fait, moi je connais pas Koh-Lanta. Il joue sa vie ce mec. J'ai jamais vu Koh-Lanta donc je. T'as jamais vu Koh-Lanta ? Oh là là ! Bah non. T'as jamais vu Koh-Lanta ? Non. Je te jure, putain. Oh, Dieu. Excuse-moi, t'es conformiste ou l'inverse ? Non, le totalement l'inverse. Avec le tournage de l'émission ? C'est pendant le tournage de l'émission, c'est pendant les flambeaux. Ah, j'ai. Non. Tu t'es emporté. C'est du faux feu, c'est du feu en image de synthèse. Oh, c'est de l'aluminium avec un ventilo. Non. Putain, j'aurais été sur le cul. Non, c'est pas un trucage technique. Bon, vous allez être déçus, je vais dire la réponse. Attends, les votes, c'est truqué. Les votes, c'est truqué. Bah oui, il dit toi, tu vas noter machin, toi, tu vas noter truc. Non, quand les gens s'engueulent, c'est truqué, c'est du pipeau. Non, t'étais pas loin, Adrien, sur les votes. Sur les votes. C'est quand il attends, donne. Dis pas, ma vie est triste, j'ai envie d'avoir une bonne réponse là, s'il te plaît. Non, il y en a encore deux, trois autres. Tu vas pas. Non. Non, ça va très très bien, ça va très bien. Tu as un magnifique pull, Léopold. Mais merci. Mais non, tu as un chat. Ouais, ça lui va ravir. Les cols roulés, ça se fait plus trop et ça va rarement aux hommes. Bah, il y en a deux, donc quand même. Conclue la phrase. Le col cheminé revient. Voilà. Il revient vitesse grand V, j'ai entendu en plus. Et il y a des femmes qui trouvent ça sexy sur les hommes. Oui. J'ai entendu. Paraît-il. On me l'a dit une fois, du coup je mets que des cols roulés. Sur les après, sur c'est les pas animaux toutes aussi, les femmes. Oui, non, ouais. Donc oui, non, t'étais pas loin, Adrien, c'est sur les votes. Bon, allez, je vous donne la réponse. Les en votes fait. Des téléspectateurs. Non, c'est les votes des gens sur l'île. En fait, il lit d'abord les réponses et ensuite il joue le suspense. Mais c'est-à-dire qu'il ne lit pas les trucs en direct. Ah, il est au courant comme d'avance. Il le fait croire, mais bien sûr. C'est-à-dire qu'il voit tous les votes et il dit bon, bah je vais d'abord prendre lui, ensuite je vais prendre lui, comme ça rééquilibre. On sait pas, il ménage le suspense. Bah, okay. Mais c'est évident. Bah, oui. Bon, écoutez. Et sur les Marseillais, ils font pareil. Bah, oui. Bien sûr, évidemment. Bon. Il paraît que hasard. Quand il a fait ah, en fait, il était pas surpris du tout. Non. C'était truc aussi. Il avait prévu le même. Moi, j'avais lu. Non, mais attends, tu veux dire qu'on nous ment, quoi? Bah, en tout cas, la télé vous ment. Mais oui, parce que dans les teasers, on les voit, on le voit lire les trucs et les gens, ils font déjà la gueule. C'est vrai. C'est grillé. Ils font beaucoup la gueule à Koh-Lanta. Bah ouais. Ils ont faim. Est-ce qu'il y a une émission que vous auriez aimé faire, vous personnellement? Moi, Fort Boyard, j'aimerais toujours. C'est vrai. Ah, putain, il y a attendu ah après toi. Alors, moi je l'ai fait deux fois et plus jamais je leur fais de ma vie. Oh, oh, c'est devenu horrible. Pas, et chaque année, ah, je t'en supplie. Ça. Je non, t'en non, supplie. Mais il t'a fallu deux fois pour. Oui, parce que la première fois ça s'était plutôt mais bien passé. Mais il paraît que c'est devenu horrible. C'est. Non, mais je vous jure, mais là, un pavé dans la mare. Non, non, mais bien sûr, vous allez vous faire des ennemis. Je sens que la photo avec Zemmour va ressortir très vite, mais vas-y, je t'en prie. Non, non, non, ils sont tous adorables. Olivier Mine est très mince. Mais non, c'est dangereux. Olivier mince. Ah. Je vous le dis, c'est dangereux. Alors déjà, on te fait signer une décharge avant avec des chiffres. Je ne sais pas si je dois le dire tout ça. Au pire, tout est monté, ça. Voilà. Bah alors, c'est on te donne tant d'argent si tu as un handicap suite à l'émission et tant d'argent si tu décèdes pour ta famille. Non, mais je te jure. Et donc, tu dois signer la décharge. Mais ça se fait quand même souvent. Ouais. Voilà. Même chez Reichmann, hein, ils font ça. Hein. Mais après, non, c'est vraiment. C'est dangereux, c'est dur, c'est non. Moi, j'aime pas trop les séquences avec les animaux. Je suis pas. J'aimais bien avant, c'est les quand ils foutent les nanas avec des scarabées qui se mettent à hurler ou des petites souris. J'ai de la peine. C'est nécessaire. Bah, au début, c'était bon enfant. Exactement. C'était genre bah tu dois marcher sur un rouleau et tout. Maintenant c'est allez tu te mets un cafard dans le cul pour avoir la clé. Ouais. Il y a eu un c'est la montée d'un cheval. Il y a vraiment un truc. Enfin, tu marchais pas sur un rouleau, hein. T'étais une meuf et tu te frottais. Mais ça, ils l'ont enlevé apparemment. Non, mais que pour les filles qui sont bonnes. Oui, c'est parce... ça. Et moi, c'était hyper gênant parce que quand on arrivait au vestiaire, il y avait les Miss France qui avaient un petit short, un débardeur. Et moi, c'est limite si on m'avait pas donné un jogging, mec. Je te jure, j'avais un t-shirt et un truc qui allait hyper long. Non, mais Olivier, moi, je veux vraiment faire cette épreuve. Non, mais t'emmerdes pas, Sophie. On va mettre dans les tigres, c'est très bien. Non, mais c'est vrai que même McFly Carito m'avait dit qu'ils l'ont fait cette année. Et ils m'ont dit, en gros, et puis tout le tournage se fait vraiment en très peu de temps en fait. Donc en fait, c'est vrai que les conditions, t'es crevé. Tu cours beaucoup. Ils étaient contents de le faire. Bah, ils étaient contents de le faire, mais pareil, ils ont un peu vécu le truc genre ah c'est très très dur et fatigant en fait. Ah ouais, dans ce sens-là, alors, OK. Mais maintenant il y a Méga Gaffe qui est un peu l'icône aussi de notre émission. Vincent Lagaffe sur une espèce de jetpack. Le truc où il y avait le gars qui avait la mitraillette au 14 juillet là. Non mais c'est pas ça qu'il c'est a. C'est ça mais avec c'est de l'eau. C'est le truc avec l'eau Non mais vous voyez ce truc l'espèce de. Oui le c'est jetpack. Une plateforme avec de l'eau. Bien sûr. Et il y a Vincent Lagaffe déguisé en indestructible. C'est bien. Mais moi ce casting a beaucoup évolué. Ce que j'aime sont les chansons. Cherchez Méga Gaffe sur Google. Ce que j'aime sont les chansons de Francis Lalanne qui compose et j'aime vraiment bien. Ben oui. Parce que les paroles sont. C'est un frérot, Lalanne, en plus, putain. C'est vrai que c'est ton frère. Non, c'est dangereux. Vrai. Moi, on m'a fait tomber dans de l'eau à 11 degrés. Et en fait, il y a un homme. Je te jure, il y a un homme grenouille qui m'a relevé, comme ça. Et tout ce que j'ai entendu, c'est. Respire! Parce que je te jure, ta cage thoracique se referme à cause du froid. Et après, on m'a donné une couverture de survie. J'ai même pas pu me réchauffer deux secondes. J'ai vomi. Bon, je le dis, parce que là, on dort et tout. De on froid. Est entre nous. Tu sais, c'est le choc thermique. Et après, j'étais bleue. Je pouvais même pas desserrer mes bras et on me disait Alain Sophie souris. Mais c'était juste ça le challenge, te jeter dans l'eau. Non, j'étais sur une poutre et on me balançait de l'eau mais en pression très très forte et c'est très douloureux. Comme dans les prisons. Ouais. Mais c'est quoi cette idée? La première fois c'était drôle, non. Voilà. Après ils l'ont suriné avec une brosse à dents qu'ils avaient taillée. Ils ont fait tiens. Elle était affleurie mais rougisse. Ouais, elle a pas du tout compris. C'était incroyable. Fort Boyard, ça a vraiment changé. Ça me fait toujours penser au truc aussi où je sais pas si vous vous souvenez de cette image de Marion Genardi qui s'était attaquée par un lion à la télé. Elle est horrible cette image. J'ai vu ce truc-là. Pardon. C'est Marion Genardi à l'époque. Elle fait genre un truc genre aujourd'hui en pas aujourd'hui en France 5 mais midi. Degrés ou 1000 degrés. Une c'est ça. Ouais, 40 degrés à l'ombre là. 40 degrés à l'ombre. Ça a bien augmenté maintenant avec le réchauffement climatique. Ah bah tiens. Je peux pas vous alerter. Macron, réveille-toi Macron. Eh oh dis donc, t'es un macaron bah. T'es plein de sucre. Ah bon, donc il a. Tu vas fondre avec la chaleur. C'est vrai. Tu seras bien. Alors. C'est que tu goûteras la monnaie de ta pièce. les banques. Donc le lion attaque Marion Genardi et en fait vraiment en direct tu vois la griffe de lion se planter dans son bras. T'as tellement peine pour elle. Oui mais Marion Genardi moi c'est pour moi dans, quand j'avais vu cette image j'ai dit mais c'est une warrior de ouf. C'est à dire qu'elle ne hurle pas. Elle est vraiment genre ah bah qu'est-ce que. Alors qu'elle a une griffe de lion plantée bah, dans le bras. C'est l'instinct, pas qu'une. Ouais enfin toute la patte ouais qui est vraiment mais plantée dans son, pull, bras. C'est dans son pull. Ah non non elle est en t-shirt. Elle a le bras nu. C'est ça qui est immonde. Mais je vous. On a eu des nouvelles ou pas du tout. Je crois qu'elle est traumatisée. Elle a eu des points et tout. Qui et qui s'est arrêté le lendemain de façon assez dramatique. Non, elle n'était pas encore pour la petite histoire. C'est arrivé après le, cette émission, c'était bien avant qui et qui. Excuse-moi, t'es Pierre Tchernia en fait. Oui. Mais comme quoi, elle a rebondi quoi. Elle s'est pas laissée abattre. Toi, Alison, tu fais de la télé maintenant. Ça fait 2 ans que t'es sur Quotidien. La téloge, tu veux la dire. La téloge, bah, le petit écran. Le tube cathodique. Ouais, sur Quotidien, c'est la deuxième année. Exactement. Comment tu es arrivé sur cette émission? Est-ce que tu étais sur France Inter avant? Est-ce que ça s'est fait via ça? Ça s'est fait via moi. J'étais à la radio et je m'amusais beaucoup. Et en fait, la télé me manquait. J'ai fait 2 ans de radio et j'avais envie de faire un autre truc où je refaisais de la vidéo, de l'image et en étant un peu entourée. Parce qu'Inter, c'est génial. C'est un espace libre, mais t'as pas forcément. T'es pas méga encadré sur ce que tu fais. Donc là, j'avais envie de retravailler avec des gens. Et je voulais. Et alors, du coup, oui, parce que j'ai reçu des questions. Les auditeurs, en fait, faut que vous sachiez, nous m'envoient des questions sur vous. Mmh. Et donc, du coup, je les incorpore un peu dans l'émission de façon. Tu les distilles. Voilà, je les distille un petit peu. Voilà, comme des petites graines. Comme du sésame. Je mets un petit bouquin par-dessus, j'attends 100 ans et le bouquin sort. Tout est faux. Les gens voulaient revenir sur l'anecdote avec le groupe qui a annulé. Ah oui, à Quotidien. Parce que, alors, pour remettre un peu du contexte. Moi, je connais pas cette anecdote. Ah, moi plus. Pour remettre du contexte, est-ce que tu veux que je le pitch? Moi, en fait, vas-y. J'aimerais surtout connaître les coulisses de tout ça, comment on gère ce genre de crise à l'intérieur. En gros. Si, j'en ai entendu parler, je crois. En gros, Alison fait un sketch, et en fait, c'est à l'époque où tu faisais le téléachat. Oui, c'était la première année de Quotidien, et c'était une de mes premières émissions. Et en fait, il y a des fausses pubs au début, et tu fais un truc qui est spécial KKK, donc voilà. Une parodie de trucs de céréales avec des gens du Klu Klux Klan. Voilà, donc c'était mon sponsor. À chaque fois que je faisais une chronique, j'avais un sponsor qui lançait ma chronique pour un peu dire bon, bah voilà, vous avez vu plein d'infos, et puis là, ça va être le moment où on va faire des blagues, parce que j'avais besoin de me dissocier de tout ce truc-là. Et à chaque fois, je faisais un sponsor très absurde, souvent des jeux de mots, parce que j'aime énormément oh, ça. Oh, c'est pas ici qu'on va te jeter la pierre, normalement, sache-le. Très Thierry Beccaro. Et en fait, on avait fait ce truc-là où c'était sponsorisé par les céréales spéciales KKK au chocolat et t'avais 3 gars avec la tenue du QQXan qui disaient au chocolat blanc et tu vois, hyper choquant mais nous ça nous faisait rire c'est cathartique. Oui, puis pas si horrible non plus enfin non, ça va ça reste absurde surtout. Il n'y avait pas de contexte particulier, ça n'avait pas d'autre sens que d'être absurde comme tu peux enfin il y a énormément de sketchs qui reprennent des costumes du QQXan et qui s'en moquent voilà avec enfin que ce soit dans South Park le SNL plein de trucs comme ça. Si j'en ai pas du tout l'étoffe machin, mais le groupe était venu. Ce sont des Britanniques, Rex Orange County. J'ai pas le. Rhys Orangis. Bah, disons les Beatles. Rex Orange County, fait pas chier, qui est un groupe chambé que j'écoutais. Et en fait, j'ai fait ma répète. Et je vais les voir parce que c'était mes premières émissions. Je croyais qu'on pouvait se dire qu'on aimait bien ce qu'on faisait. Je vais les voir. Je leur dis, j'ai trop kiffé, c'était vraiment bien. Et ils m'ont pas calculé. Je suis, oh, c'est un peu froid comme accueil. Et en fait, j'ai appris qu'ils sont barrés, ils ont demandé à ce que je sois pas à l'antenne. Et du coup. Non, ils ont préféré partir parce qu'il n'était pas question que je me fasse censurer pour ça. Mais en fait, je pense qu'il y a eu surtout un gros malentendu. Je pense que c'est des artistes qui avaient super peur d'être associés à un truc qu'ils maîtrisaient pas. Mais ils avaient vu ta répète ou ton sketch? Ils ont vu la répète de mon sketch avec les images et je pense qu'ils se sont dit ils étaient mal à l'aise avec ce truc-là. Pourtant, ce qui est étrange, c'est que c'est des gens de notre génération. Ouais. Donc, nous, on a l'habitude de rire et ce truc cathartique, de se moquer des trucs qui nous tendent, quoi. Et ils étaient très mal à l'aise vis-à-vis de ça. Mais je pense que si c'était à refaire, peut-être qu'ils n'auraient pas la même réaction. J'avais très peur le lendemain que ça soit mal pris. Ouais, toi, les posts étaient un peu racoleurs au sujet de ce truc-là. C'était Alison, machin, plus loin, raciste. Mais en fait, les articles. me défendaient tous, mais les intitulés étaient assez racoleurs. Donc ça, j'ai pas trop aimé. Mais après, c'est jeu. Mais ce qui est cool, c'est que l'équipe, enfin que Quotidien t'a soutenu. C'est parce que tu dis le mot censure, mais en fait, on pourrait. Enfin, moi, j'arriverais à imaginer qu'une émission dise bon, bah Alison, tu comprends, ils ont répété, ils sont en promo, peut-être ta chronique, on la fait demain. Enfin, tu vois, c'est, je verrais pas ça comme de la censure, moi. Tu t'as du public qui vient aussi les voir. Moi, j'étais trop mal. Je me suis dit, mais merde, j'ai viré des gens alors que, en plus, j'adore ce qu'ils font. J'écoute souvent leur musique, donc ouais. C'est des dommage. Heures de psychanalyse. Mais je pense après, ils avaient fait un mot pour dire qu'ils voulaient plus en parler, qu'ils étaient désolés, que c'était un malentendu. Et... ouais, c'est juste la façon de faire, c'est pas cool de dire un artiste à un autre tu ne dois pas dire ça, je trouve que c'est pas leur place et surtout à notre époque. Mais peut-être qu'ils ont pas compris, c'est peut-être juste un truc. Surtout qu'il y a un truc de... presse, pas... et peut-être qu'ils kiffent le Ku Klux Klan et qu'ils aiment pas qu'on se moque de enfin, c'est peut-être ça, je ne savais pas. Non mais c'est fou de te dire sur une émission à grande écoute, te dire en France, surtout après tous les événements qui sont passés dans notre pays, te dire qu'on se permettrait de faire un sketch qui vante les mérites, qui fait des louanges sur le Ku Klux Klan. Moi, des fois, je regarde Quotidien, c'est dans l'ADN. Je sais qu'ils adorent le racisme. Ils sont plutôt de droite, Quotidien. C'est vrai. Une île propose une expérience très particulière. Proposant une expérience c'est très Koh-Lanta, particulière. C'est Koh-Lanta, tu l'as fait déjà. Ah, merde. Va ouvrir à nouveau ses portes. De quelle expérience parlons-nous, à votre avis? Hein, c'est genre Battle Royale? Non, pas mal. Non, ce serait Jurassic Park. Parfaitement illégal. Mais avec des chiens. L'île de la Tentation. Tu veux dire un chenil? Île de la Tentation. On n'est pas là, on s'approche, mais Partouzland. C'est pas Land. Partouzland. Eh bien, Partouzland. Écoute, c'est une autre façon de le nommer, ça s'appelle l'île du sexe. Mais c'est l'île de Ré. Malgré l'île de Ré. T'aimes les jeux de mots, j'ai moi, on avait Ré d'Orange Country qui allait jouer après, t'as tout dit. Ils vont pas jouer. Malgré les polémiques, l'île du sexe met les bouchées doubles. Moi, c'est ça qui m'a fait beaucoup rire. Nous vous en avions déjà parlé, je suis sur sudinfo.be. Nous vous en avions déjà parlé lors des précédentes éditions. L'île du sexe est bel et bien de retour cet été. L'an dernier, au large du Venezuela, dans les Caraïbes, Good Girls Co, une fête avec 60 prostituées où les hommes paient pour du sexe illimité. Donc c'est mais c'est où? C'est toujours c'est que dans un sens, bien sûr. Mais c'est où? C'est au Venezuela, au large des Caraïbes. Mais t'inquiète, c'est pas grave. Y a pas de problème. Pour quelques milliers de dollars, les désirs de 30 hommes étaient assouvis par 60 prostituées. Ils avaient droit pendant 4 jours à du sexe. Oui, je crois que c'était sympa. Ah, c'est elles étaient déclarées. Elles avaient une mutuelle. C'est sûr. T'es obligé d'être à l'URSSAF, sinon tu peux pas faire ça. Hein. Les 4, 5, 6 et 7 juillet prochain, donc c'est quand même 4 jours, c'est plus long. C'est un gros festival. C'est plus long que les charrues. L'île du sexe mettra les bouchées doubles pour sa toute nouvelle édition. 4 jours, 50 hommes, sans prostituées, drogue, alcool, sans oublier le sexe illimité. L'orgie aura lieu. Illimité, on est sur 2 prostituées par homme. Comment ça se passe? Non, c'est un forfait, je pense. Comme une petite carte à tampon. Comme au club, tu sais, t'as 2 billes rouges, 3 billes vertes. Sauf que cette année, c'est dans le Nevada, plus précisément à Las Vegas. Donc déjà, déjà quelques prostituées de base. C'est ça. Donc voilà. Mais cette année, petit changement. Les hommes en couple pourront ramener leur compagne. Une belle avancée. On dit le sexisme, on dit sexisme. Mais on avance. Quel intérêt, enfin si, la meuf qui peut kiffer voir son mec. Exactement, sinon, et puis peut-être les meufs. Si c'est pour coucher avec ta meuf, tenté, reste Adrien. Chez toi. Fais-le chez toi, paye pas. Quel étrange dispositif a été mis en place dans un collège. Alors rien à voir, je vous le dis quand même. A été mis en place dans un collège. Dans le collège du sexe. Dans l'Allier pour canaliser les élèves. Bah. Un ring de boxe. Non. Une piscine. Non plus. Fortnite. Il joue à Fortnite. Non, il joue pas à Fortnite. Non, pour les canaliser, mais est-ce que c'est pour qu'ils se défoulent? Oui. C'est pas de la psychanalyse ou des trucs. C'est un sport? Ça peut être du un sport. Du Quidditch? Mais... non. L'escalade? Non. Salle de cinéma? Donc c'est pas vraiment Sophie un sport. Est une Potterhead. Non, c'est parce que j'ai acheté un ballon de Quidditch il y a 2 jours et j'étais très fière de mon acquisition. Un ballon, quand il a dit. Le cognard? Non, le ballon. Le vif d'or? Enfin non, le ballon. Je sais plus. Ah oui, il jette une balle. Oui. Arrêtez, ah mais il y a trois. Non mais il y a 3 balles. Il y a le vif d'or, le cognard et le ballon. Et le ballon, de ah, le ballon, le truc un peu octogonal là. Ouais, enfin, et mais il est en mousse et il est super. Ah, voilà, parce que j'étais à Londres, au truc Harry Potter, j'ai acheté un ballon de Quidditch. Ah, j'ai vu la boutique. C'est trop bien. Mais j'ai jamais vu les films, du coup c'était moins. Ah oui. Oui, moins parlant. C'est toujours moins bien. Mais j'ai l'impression d'avoir raté un truc. C'est un peu la voir dernière. Voir rater ma vie. Non, pas ta vie, mais c'est un peu la dernière très grosse saga qui a marqué, j'ai l'impression. L'histoire. Mais non, parce que j'ai ouvert une porte, je suis en train quand d'ouvrir tu vas une le porte. Découvrir, ça va être ouf. Ouais, c'est ça. Bah, tu vois le survendre. Parce que pas j'aimerais trop être toi dedans. Qui a voilà, qui n'a pas encore découvert. Et est-ce que vous êtes allé voir la comédie musicale Harry Potter? Parce que je voudrais savoir si je peux aller le voir sans avoir vu le film. Je pense que alors, oui. Toi, non, oui. Moi je ne l'ai pas vu, mais Clara, ma compagne, l'a vu, est une Potterhead elle-même, hein, ma douce, ma tendre, ma chère. Qui, c'est pas une comédie musicale, c'est une pièce de théâtre vraiment. De, ah bon de, mais de 2 fois 3 heures, je crois. Enfin, c'est oui, très y long. Oui, il y en a, bah, y a deux parties. Ouais, ouais, c'est très long. Et 2 fois 3 heures. Ouais. Mais si c'est musical. Non, il n'y a pas de musique. Il n'y a pas de musique. Non, c'est le septième livre. En fait, parce que... Enfin, c'est le dernier livre. Enfin, mais enfin. Et c'est après Harry Potter, donc c'est mieux d'avoir lu le bouquin parce que. Alors, je veux pas spoiler, mais il y a des retours de personnages. Après le dernier livre, en fait. Oui. Ah. 10 ans après. Mmh. Voilà. Mais ils on veut pas casés, trop. Attends, t'es sont... sûr que c'est pas musical? Ils ont un taf. Je suis à ça de te mettre une patate. Non, non, c'est. Il y a de la musique, mais c'est pas des chansons. C'est pas une comédie musicale. C'est une comédie musicale. Parce qu'elle a écrit plein de livres et le dernier livre c'est une pièce de théâtre. Et là ils ont fait la pièce de théâtre. Exactement. Mais où il y a parfois les personnages chantent. Ouais. Enfin tu vois. Mais sur de la musique. Il paraît que le mec a refusé son ouvrage, l'éditeur. Suicidé. Non, il a fait une grosse dépression. C'est sûr. Bien sûr. En revanche après. Il a créé Percy Jackson. Après. Donc il a refait une dépression derrière. Il avait dit du livre, je le rappelle. Ça va être une merde. Non, oh là là. C'est le premier que je cale bien, j'en suis un peu fier. Bravo. Je suis très très content. Donc non, on parlait cale pas bien, du tout d'Harry Potter. Cale bien Marthez. Donc pour... pour revenir à oui, tes jeunes, ça n'a rien à voir avec le Kiddich. C'était juste pour recentrer. Ça peut être un sport. Ça peut être considéré comme un sport. Mais pas vraiment. Donc c'est pas vraiment un sport. C'est une activité physique. Exactement. C'est mais qu'on peut faire dans un sport. Mais qui... Courir. Pas spécialement ludique. Voilà, mais c'est dans cet endroit-là. Oui. Des roues. Il court dans des roues. Sauter. Trampoline. Non. Sauter. T'es pas loin des roues et de courir. Rouler. Roller. Non. Vélo. Comment des, vélo. Des tapis de course. Et non, Alison Wheeler a trouvé le point. C'était vélo. C'était tout simplement, ils ont installé des vélos d'appartement, donc des vélos de classe, pour que les élèves puissent répondre aux questions tout en faisant. Ah, pendant les cours. Pendant les cours, tout simplement. C'est pas mal, hein, en vrai. Et ça, c'est brillant. C'est des vélos bureaux, donc il y a même la petite table, sont mis à disposition des élèves c'est du collège Lucien Collomb de La Palisse dans l'Allier. Oh, mais c'est en France. Mais oui, mais tu sais que je suis né à 10 km de La Palisse. Et, je voilà. Et là, je pense que Et les. Et c'est pas une vérité de La Palisse. Hein. Non, une La Palissade, c'est vrai. Voilà. Whoop, whoop. Assassin de La Palisse. Selon le principal du collège, l'énergie dépensée en agitation ou en effort pour se maîtriser limite les possibilités de ses élèves à se concentrer pour suivre le cours. Le vélo bureau apparaît donc aussi comme une alternative non conflictuelle à ce type de situation. Et est-ce qu'ils produisent de l'énergie ? Music Awards ? Non, je crois pas. Mais il pourrait y avoir un générateur, tu vois, et ça alimente un petit. Petite batterie. Pas du tout. C'est incroyable, mais du coup, tu transpires, il y a des douches après le cours. Mais après, quand t'es jeune, tu transpires pas tant que ça. Bien sûr, énormément. Si, même si. Je puais adolescent, je m'en rends compte. Voilà. C'est à base de sébum. T'es 60% après, de sébum. C'est peut-être sur un réglage pas fort, tu vois. Je sais pas du tout. Ouais, ouais tu penses. Tranquille, quoi. Je sais pas. Flaubert dit-nous en plus. Mais je pense qu'effectivement, tu pues un peu. Je pense qu'il y a quand même un souci d'odeur. Fatalement. Quel horrible contentieux oppose le Guinness Book des records et Roberto, l'homme proclamé l'homme au plus long pénis du monde. Et là, j'entends moins vos grandes gueules. Ils sont trompés quand ils ont écrit sa taille. Il manque quelques centimètres et il est vexé. Non. Il a pas validé la photo. Non, il y a des photos, je te rassure. J'ai bossé. Il y a un contentieux. J'ai envie de voir. Déjà, le fait qu'il s'appelle Roberto. Il n'aurait pas pu avoir le prénom. Roberto, grosse bite en plus. Donc on peut savoir le record, surtout. On peut donner le record, oui. Puisque nous sommes. Alors attendez, non, je ne peux pas vraiment vous le dire. Justement, parce que ça c'est lié au contentieux. Est-ce que ces gens, ils ont mis la taille en érection ou au repos? Enfin, il y a un truc comme ça ou non? C'est un peu ça, mais c'est pas lié au repos et à l'érection. Mais il y a un truc. Est-ce que ces gens, il a dit non, il faut mesurer en partant de la base de la bite. Et eux, ils ont mesuré Faut savoir aussi, ça faut le dire aussi, c'est un peu un débat masculin. On sait d'où tu pars. Et donc, c'est un petit peu lié à ça, mais c'est pas vraiment ça. Mais d'où vous partez, vous, en général? Ouais, ça fait très longtemps que moi, j'ai pas mesuré ma tub. Du trou du cul, parce que pour. j'allais dire, moi, je pars de Marne-la-Vallée directement. Voilà. Et je suis à 800 Je prends la 4 donc... et après, je suis parti. Non, mais c'est lié justement à. La méthode de mesure? Ouais, de. Est-ce qu'il avait froid? Qu'est-ce qu'on compte? Voilà, non, c'est pas ça, mais on s'approche. Non. Il est circoncis, bien sûr. Sophie va vraiment en mettant ses doigts, je sais pas comment l'expliquer, mais catégorique. Ça n'a rien à voir avec les couilles. C'est Sarkozy quand il dit je vais vous dire la vérité. Il met ses doigts comme ça. C'est vrai. Une unité de mesure différente. Non, c'est pas. Il a un long prépuce et ils l'ont mesuré décaloté. Franchement, je te l'accorde. Le titre du paragraphe est de la peau. Donc, voilà, bah c'est ça. En gros, le pénis de Roberto mesure 48 cm. What? Voilà. Oh, la vache, donc, en érection ouais. Quand même, ouais. Voilà. Donc il est à ça de pouvoir faire Space Mountain, pour vous donner un ordre d'idée. Attends, juste sa bite. J'essaie de voir dans la pièce qui peut faire 48 cm. Genre, par exemple, le T-Rex, là. Le glaive, non. Le glaive. Ton avant-bras. Pour vous donner un ordre d'idée, ça. Et alors, sans vouloir citer de célèbres rappeurs. Sa bite arrive à son genou, je vous le dis, et touche son médaillon, je pense d'ailleurs. C'est-à-dire que son pénis arrive au niveau du genou. Non, sauf c'est sa chaîne que... touche à son pénis. C'est vrai, c'est sa chaîne. Et donc le pénis descend jusqu'au genou, sauf que, vice de procédure, Guinness Book qui dit désolé Roberto, très belle bite, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que la peau de son pénis mesure 48 cm, mais l'organe à l'intérieur, puisqu'il y a toujours un peu de peau, est à 47. Ah. Et seulement à 15 voire 17 cm. Quoi ? Attends, pardon, donc quoi ? Très décevant, c'est-à-dire non, non, mais attends, il a un prépuce de 40 cm. Il a un prépuce de 25 cm. Non, mais non, mais non, non, a... non, non. Écoutez, bon. Est-ce que c'est un... son pénis a fait un régime drastique, il a perdu 20 kilos et il lui reste beaucoup de peau, c'est son ça ? Son pénis a eu un anneau gastrique. Tu, non, peux, tu peux perdre du pénis en mincissant je ne pense pas. La question. Je ne pense pas, non. Bah peut-être qu'il faudrait demander bah, aux auditeurs. On va appeler, ouais, on va appeler Michel Simès. Je pense qu'il a la petite réponse sur cette question. Non mais en tout cas voilà, c'est ça. C'est en fait il mesurait la peau et le Guinness Book a dit nous sommes désolés, nous mesurons le pénis à l'intérieur de cette peau. Il a un prépuce de 30 cm. Il a la peau de tout. Oui, parce que c'est pas qu'un prépuce à ce niveau-là, tu vois, c'est vraiment oui, mais c'est 4 fois sa teub à peu près, 3 fois sa teub. Mais comment ils l'ont découvert surtout on fait une radio. En fait, je pense que tu regardes et tu vois il y a un vieux. C'est ça. Non mais c'est comme quand comment on dit un polochon, enfin tu vois quand t'enfiles une housse sur la polochon, tu vois, c'est un peu ça. Ah ouais, ça dépasse un peu. Je pense que c'est un truc. Ouais, mais ça dépasse pas un peu là. Tu mets un jean un peu grand. C'est fou. C'est ça. Là, ça dépasse pas un peu. Ça y a sa bite fait 12 cm et il a 48 cm de. C'est pas possible. Et sachez que il va participer à Mask Singer l'année prochaine. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mask Singer. Je vois des affiches Mask Singer. Alors je n'ai pas compris le concept. Alors je vais vous expliquer. Moi, ça m'a clarifié. T'as regardé Léopold ou pas du tout? Mask Singer, pas du tout. Alison, je sais qu'elle a regardé parce qu'on a eu un échange de SMS. Non, je suis sur peut-on maigrir du pénis? Non. Et ça ne sort rien du tout. Je uniquement crois que c'est du porno. Alison regarde du porno depuis 10 minutes du coup. Non, Mask Singer, en fait, c'est la nouvelle émission de TF1. Bien qui sûr leur que j'ai regardé. Cher, bien sûr, mais ah, mais oui, t'as fait des stories. Ah, c'est une émission. C'est une émission, en fait. Le concept est très simple. Il vient des États-Unis d'Amérique. Où, d'où le nom Mask Singer, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des personnalités qui arrivent déguisées, mais tu ne sais pas les personnalités. Tu vois juste des mascottes géantes. C'est des gens connus derrière les masques. Oui, et c'est ça qui a pleuré de rire. Ils font du bullying. Non, non, mais presque, parce qu'en fait, ils chantent avec une voix modifiée et ils font des chorégraphies. C'est leur vraie voix ? Alors, c'est des voix trafiquées. Okay, donc, c'est-à-dire ça, que oui. Tu peux deviner à peu près qui c'est, mais en vrai, c'est très dur. Et ce qui est assez fou, c'est que moi, c'est Clara, enfin c'est ma meuf qui a regardé, l'excuse qu'on dit quand on veut pas, il voilà. Il a vraiment très envie que vous sachiez qu'il a une meuf. Hein. Non, non. Oui, 25 ans. Hein. Ça, c'est généralement quand tu te sens en danger. Ça a mis 25 ans, j'en profite. Et en fait, c'est vraiment le truc où tu te prends au jeu de ouf, en fait, bizarrement. Donc en fait, c'est effectivement que des mascottes géantes, comme à Disney. Et ils font des chansons, il faut deviner qui est à l'intérieur de la mascotte. Ah sachant oui, que tu ne c'est le sais pas. C'est quand même difficile. Hein. Et c'est assez difficile. Ouais. Et tu spécules toute la soirée en fait. Avec, du coup, avec les jurys. Donc il y a Jari, Kev Adams et. Sublet, Angoun et Alexandra Sublet. Et en fait, c'est surtout ça le jeu, c'est que tu les vois discuter. Angoun qui est merveilleuse. Angoun que j'ai découvert. On est content de la retrouver. Tu la connaissais pas? Que j'ai redécouvert. Que je ne la connaissais que par le chant, que par l'Eurovision. Elle est hyper connue en Asie. Ben très très très très très connu. Et donc en fait les persos sont dans des costumes. Et en fait chaque personne qui se fait éliminer Enlève son masque. Parce qu'ils sont parce qu'ils ont deviné qui c'était. Non, pas du tout, c'est ils juste la performance était la moins bien. Ah d'accord, ils les jugent genre ils font des chansons, ils dansent, des machins. C'est un peu difficile alors après, au fil des émissions. Vous avez éliminé Zidane les gars. En fait il y a des petites vidéos. Alors c'est pas Zidane hein, mais il y a petites vidéos. Non, la prochaine. Il y a des petites vidéos où il y a des indices. Genre il y a un drapeau d'une certaine couleur et ils font ah France. Le drapeau c'est 98. Et du coup c'est Zidane. Et donc du coup mais en fait tu te prends vraiment au jeu assez vite. Moi je regardais ça d'un œil lointain et après au bout d'un moment tu te dis ah j'ai envie dis-moi de ils sont c'est... quand même connus pardon. Alors le problème c'est gênant. Mais moi j'ai une question aussi oui vas-y. Alors est-ce que c'est pas nécessairement des chanteurs? Non pas du tout. Ah ouais. Et okay. C'est ça en fait qui est assez difficile et Team même site. Je vais prendre Team des site. Pincettes parce qu'en fait on ne sait pas qui est dans ces costumes donc peut-être du jour au lendemain c'est des gens qu'on connaît peut-être c'est des gens autour de cette table donc il faut faire très attention mais ce qui est un peu rigolo dans cette histoire c'est qu'en fait Kev Adams, Alexandra Sublet tout ça spéculent sur des noms et moi ce qu'il va faire c'est que sur la genre ouais, je pense que c'est Pascal Obispo. Ah, ça doit être Audrey Tautou. Sauf qu'en fait, la première éliminée, c'était Marie-Josée Pérec. Ah oui, d'accord. Oh. Fallait la trouver, Marie-Josée Pérec. Ouais, avec tout le respect que j'ai pour Marie-Josée Pérec. Mais je pense pas... que même sans trafiquer sa voix, on n'aurait pas trouvé, ouais. Je pense, en et fait. Tu plaisantes, mais c'est terrible, mais c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'elle enlève son masque et t'as Kevin Adams qui fait. Mais il est trop jeune, il est trop jeune. Il est trop jeune. Bah, non, mais il a pas fait ça. Mais son regard dit. Je sais pas qui c'est. Désolé, je sais pas. Mais moi-même, je savais pas. Je connais le nom, mais je connais pas son visage. Ça me fait trop de la peine d'imaginer qu'elle fait bon bah c'est moi et que tout le monde fait c'est qui. Bah, mythique. Il y a un peu de ça. Et en fait, ce qui est terrible dans l'émission, c'est qu'ils arrêtent pas de spéculer sur des gens et tu fais. Il y a quand même peu de chances que ce soit Audrey. Oui, ce sera des gens beaucoup moins connus quoi. Ça doit être Candeloro et Demi. On sait pas. Donc en fait, on dit pas parce que encore une fois, moi, je suis terrifié de voir des amis à moi ou moi. Peut-être que je suis pas au courant. Tellement c'est bien fait. Et du coup, ouais, on en parlait avec Aïssan. Aïssan a fait une très. Je me permets de te voler ta blague. T'as fait une très bonne blague. Imagine, il y a un gars très connu qui le fait et qui découvre les gens. Genre, ah merde, c'est que des gens pas connus en fait qui le font. Il y a juste. Je me suis fait voler. T'as Vincent Cassel qui fait oh là là, la connerie. le con. Et donc voilà, c'est ça, Masked Singer. Mais en fait. Genre, il est éliminé, il fait non, mais je garde mon masque. Non, mais voilà, faut jouer le jeu. Mais ça cartonne. Bah, apparemment, le numéro 1 a cartonné. Bah, en fait, le jury, c'est là où ils sont malins, c'est qu'il est plutôt pas mal, en fait, le jury. Tu vois, ça fait des vannes, ça a de la partie. Combal, c'est un très bon, bon animateur, il est super. Je l'aime beaucoup. Moi aussi, je le trouve, c'est un des plus forts. Même dans Danse avec les stars, il me fait rire. Il est extrêmement doué à ça, donc ça marche plutôt bien. Après, moi, le truc, c'est ce que je me suis dit, je fais, mais en fait, moi, ça y est, j'ai la flemme de regarder les autres un peu, quoi. Enfin, c'est vraiment une émission que tu dis, bon, bah, je regarderai qui a été viré chaque semaine sur internet, et puis ce sera. Il y aura pas des nouveaux? En fait, non, c'est chaque semaine, ils en virent un nouveau. Ah ouais, ok. D'accord. Et ils donnent juste des plus gros indices pour essayer de deviner qui c'est. Moi, je crois que c'était chaque émission des gens différents. Non. Ah bah. Non. Pas si bien. Moi, je trouve ça dommage qu'ils changent les voix des candidats. Bah, du coup, ça devient très dur. Ouais. Mais sûrement que plus on va avancer, moins ils vont changer les voix. En tout cas, c'est une petite idée que je leur donne s'ils la prennent. Ça veut dire qu'elle est dedans. Ça veut dire qu'elle est dedans. Depuis tout à l'heure, elle joue très bien. Elle cache très bien son jeu. Tu chanterais quoi si tu allais à Masked Singer? On a le choix. Ouais. Imaginons qu'on a le choix. Moi, je serais sur un truc, un classique, un La Rousseau, un truc bien ça, sûr. Voilà. Ouais. Il faut que vous sachiez quand même qu'aux États-Unis, parce que moi, je ne me permettrai pas de juger la France, parce que voilà, encore une fois, je ne sais pas qui est dedans. Mais pour vous donner un ordre d'idée, tu l'aimes ou tu la quittes déjà, c'est la première chose. Et on est assez direct là-dessus. Mais aux États-Unis, il y a eu T-Pain, Rumor Willis, la fille de Demi Moore et Bruce Willis, Latoya Jackson, Tori Spelling, Margaret Cho et Tommy Chong. Donc c'était pas non plus. Je connais des... peu de gens. Là. Ouais, voilà. C'est pas non plus. Au début, gigastars. Je tenais le coup, puis à la fin, je connaissais le premier. Ouais. Gens, quoi. Joey Fatone des NSYNC. Enfin voilà, c'est des gens. Ah, j'aime trop Tori Spelling. On va pas faire 10 minutes dessus, mais juste, tu sais qu'il y a eu 90210 le reboot sur TMC, je crois d'ailleurs. Oui. Et vous l'avez vu? Personne l'a vu? Non. Et bah, attends, c'est super. Si, ah ouais. Il y a longtemps, non? Non, c'est sorti dimanche, les trois premiers épisodes. C'est génial. Sorti aux États-Unis. Non, mais c'est plus comédie qu'avant, non? Pardon? C'est plus comédie qu'avant, non? Bah, en fait, là, vraiment, ils s'en mettent plein la gueule. C'est vachement de l'autodérision. Donc c'est un deuxième reboot. Il y avait eu déjà un reboot 90210 il y a quelques années. Oui, mais les nouveaux comédiens, là c'est les comédiens. Oui, mais donc il y a un nouveau. Mais ils jouent leur propre rôle. D'accord. Tu vois? Leur propre rôle. C'est comme les Bronzés 3, tu vois, c'était longtemps après. Donc c'est pas leur propre rôle. C'est comme l'arbre que tu plantes. Ils reprennent les rôles de l'époque. Non, ils jouent leur propre rôle. C'est Tori Spelling qui va voir et ils se disent putain, on est dans la merde, on n'a rien fait, viens, il y a juste le Comic-Con, qu'est-ce qu'on va faire et tout. Et c'est hyper drôle. C'est un peu comme. Oui, non, j'allais dire de la. Extras ou. Ouais, mais. Oui, si, Extras, voilà. Non, je voulais dire. Le truc avec Matt LeBlanc là. Épisode. Voilà. Bien sûr. Que génial. Ouais, c'est très bien. Bah, c'est pas ça. Pardon. Voilà, fermé la parenthèse. C'est le même délire. Il joue son propre rôle, machin. Exactement. Okay. Récemment, Vincent Cassel a vendu son manteau de la haine. Et la semaine dernière, c'était un autre blouson de cuir issu d'un célèbre film qui a été vendu pour 400 000 dollars. Akira. Lequel? Elle sait. C'est un dessin animé, Akira. Ouais, justement. Ah, du coup, très cher. C'est un dessin. Un français? C'est un français? C'est pas français. Un américain? Tu l'as? Ouais, donc je sais pas. Je sais un peu de. Ouais. Alors attends, un film James français? Dean, avec James Dean pas dedans. Français. Pas James Dean. Non, français ou pas? Pas français. Étranger. Américain? Plutôt. Grease. Très très bien. Wow, c'est ça. Très très bien. Oui. Joué. C'est plus hasard là. Ah non. Non, tu sais pourquoi? Parce que Anne-Sophie, je sais qu'elle a des goûts cinématographiques. Je me suis dit qu'est-ce qu'elle pourrait penser. Et je me suis nourrie, voilà. Bah, c'est de la puissance de déduction pour moi. Voilà, c'est peut-être du mentalisme. À mes yeux, vous êtes deux queens. Je vous le dis. Voilà. Mais toi, tu es mesmer en plus. T'es la queen mesmer. Donc le blouson et le pantalon porté par Olivia Newton-John. Olivier Minton-John. Olivier Min et Elton John dans Grease ont été adjugés samedi à 405 700. Voilà. Beaucoup d'argent. Peu importe. 405 700 euros dollars lors d'une vente aux enchères dans la ville californienne de Beverly Hills. C'est incroyable ça, c'est beaucoup d'argent. Tout à nous, tout se recoupe. La personne est forcément millionnaire. Parle bien dans ton micro, je t'en supplie. Ouais, ouais. Cette personne est forcément millionnaire. Au moins 1 million. C'est quand même dingue. Il me touche la barbe tout cela. Et, oui, et on a tous vivre 100 ans du coup, parce que ça porte bonheur. Ah bon? Il y avait aussi, ouais, de la barbe de Léo, elle porte bonheur. Il y a aussi un poster dédicacé par John Travolta et Olivia Newton-John qui a été estimé à 1000 dollars. Il a été adjugé à 64 000 dollars. Ah oui, quand même. Un poster dédicacé par John Travolta et Olivia Newton-John. C'est beaucoup. Est-ce que vous, vous avez une attitude un peu. Alors je sais que Adrien, pas trop, t'as pas trop une attitude de fan, mais est-ce qu'il y a des objets où tu aurais pu acheter c'est une question en deux parties. D'abord, est-ce qu'il y a des objets que vous auriez pu acheter en mettant beaucoup d'argent? Des trucs par rapport à une idole Toi, je sais, Anne-Sophie, que t'es très fan de Tina Fey. Est-ce que tu aurais pu acheter un truc en rapport? Tu l'as peut-être même fait. Est-ce que tu l'as fait? Non, j'ai acheté, mais c'était pas cher. Enfin, 45 dollars, ça va. Tu vois, ça non, dépend c'est vraiment ce que pas c'est. Cher. Si tu dis un porte-clés, c'est pas. C'était juste les deux figurines Tina Fey et Amy Poehler. Et avec dans la petite boîte du Saturday Night Live. Dans le SNL. Pas cher, oui. Je trouve. Ouais. Et vraiment, le truc où je m'en remettrai pas, c'est je suis aussi fan de Freddy. Et quand ils ont fait Freddy contre. Ah ouais. Non, ouais. Mais quand ils ont fait Freddy contre Jason, ils ont sorti un magnifique coffret transparent en verre avec dedans la griffe et le masque. D'accord. Avec ah, oui. Une plaque. C'était superbe. Il y avait genre 10 exemplaires. Et j'avais pas du tout de sous à l'époque. J'ai pas pu me l'acheter. Aujourd'hui, ah, c'est introuvable. Oh, la fin est triste. Mais c'était hyper triste. En plus, c'était pas hyper cher. Tu vois, c'était 80 dollars. Ouais. Mais à l'époque, vraiment, je pouvais pas les mettre. Et j'ai cherché partout. Et impossible de le Freddy contre Jason, qui est un film injustement boudé, sous-estimé. Moi je le trouve très rigolo. Il m'a choqué quand j'étais petit celui-là. C'est celui qui est un peu rigolo, celui où il y a des blagues dedans. Ah ouais, ouais, moi ça m'a traumatisé. Ouais, moi j'avais trouvé ça très bien. Il y a des blagues dans tous les Freddy. C'est pas trop dans le premier, mais. Excusez-vous, nous on est chez les geeks, hein, excusez-nous, pardon. Hein, pardon non, mais c'est vrai que celui-là m'avait fait assez rire en fait. Je me souviens qu'il était. Mais moi c'est marrant que tu dises ça t'a traumatisé parce que moi j'ai un souvenir avec Freddy. Aussi pareil qui m'avait traumatisé, mais c'est parce que mon père ne voulait pas que je les regarde, donc il me disait va dans ta chambre, donc tu n'as pas l'image, ce qui est pire, parce que t'entends juste un mec qui fait sale pute, je vais te crever sale pute, et tu l'entends hurler, se faire transpercer. Et surtout la télé était éteinte et c'était ton père qui disait ça. Donc, c'est drôle. C'est ça qui est traumatisant. Ça a pas dû aider sur quoi que ce soit. En plus, ton père avec ses. Avec ses... Bon, non, c'est j'ai con. La flemme de finir c'est cette blague. C'était un. Et c'est... Ouais. Non, parce que tu sais, il a des. Ouais, j'y vais. C'est il visuel, a des, il a des ciseaux de jardinier. Mais faut savoir que mon père est jardinier, quoi. Sinon, si t'as pas l'info. Les gens le savent. À Autun, les gens d'Autun le savent. Léopold, toi, tu pourrais acheter un truc très très cher. Les jardiniers, son père. Ben, moi j'aime bien acheter des petits bitonios de films. Là. Récemment à Universal, j'ai acheté la casquette de Retour vers le futur. Celle qui... Oh, le geek. Ouais, un petit peu. Ouais, elle m'a coûté 15$, donc bon, c'est, ça pas, va. C'est pas un gros objet. Mais je pense que, ouais, un truc de bah, la Cité de la Peur, un truc ouais. Genre. Bah ouais. Un truc un peu iconique. Moi j'ai un morceau de péloche de la Cité de la Peur. C'est pas vrai? Ouais. Ouais, mais ils avaient fait un coffret à l'époque de la Cité de la Peur. Ah oui, oui, dans oui. Une bobine, et t'avais plein de trucs. Oui. Et un des trucs était un petit bout de péloche. Il y a un jeu de société qui sort pour Noël là. De la Cité de la Peur. Ouais, Chantal Lobby a mis ça sur Facebook. Non, il est dans le coffret, voilà. Il y a un coffret avec jeu de société, Blouré. L'affiche et ouais. Tout. Et là, quel est le principe du jeu? On sait c'est... Bah, c'est genre. Il y a des gages, genre bluff comme Martoni, des trucs comme ça. Bon, c'est pour ça que c'est bon. Ouais. Adrien, t'as l'air conquis. Non, ouais, je. Non, mais c'est peut-être, je sais pas. Laissez-moi, j'ai rien dit. Putain. Mais voilà, ma réponse c'est un objet ou un costume ou le masque du tueur dans Cité de la Peur. Voilà. Putain, c'est ouais, fou. Ouais, ça serait bien. Ça, je l'ai cherché parce qu'il y a une époque, longtemps, j'ai essayé de le vendre à Golden Moustache. C'est, je t'avais envoyé le texte d'ailleurs, Léopold. Ouais, tu me l'as envoyé. Je voulais faire ouais, un sketch qui était un remake de la Cité de la Peur. Ouais. Oh. Non. C'est une fausse bande-annonce qui était un remake de Red Is Dead, genre la mode des reboots des films d'horreur à Hollywood. Sérieux, du coup. C'est une bonne idée. Et c'était genre 10 ans après, on refait. Et moi, mon rêve était de mettre. Je voulais pas mettre les nuls parce que j'avais vraiment un rêve de petit gars qui commence à écrire. J'étais là genre, non, ils le verront. Et comme ça, ils le sauront pas. Mais je voulais mettre. Genre Hélène de Fougerolles, enfin tous ceux qui ont des petits Sam Carman, ouais. Enfin tous ceux qui ont un petit rôle dans le film. Bah, il est... Oui, et, ah oui, dans le film. Ouais. Oui, qui sont dans le film et qui ont un petit rôle. Et, pas dans Red Is Dead. Non, c'est vrai, c'est dans la Cité de la Peur. Mais et voilà, et le truc s'est jamais fait parce qu'il était un peu cher, je pense, pour l'époque des débuts. Et puis après, le truc s'est un peu perdu. Et puis c'était le texte est pas si, tu relis tes vieux textes, fait, ouais. Pas si bien. Concept, ouais. Mais pas si rigolo. Mais voilà, donc c'était un sketch que je voulais faire et que j'avais envoyé à Léopold parce qu'il je le sais grand fan de la Cité de la Peur, je le sais grand fan. Ah, éternel. Bien sûr. Toi, et, pardon, vas-y. Pardon, le, et toi, parce que tu nous as ah, pas ouais, dit. Non, moi, non les objets, il aime pas trop. Non, non, moi, j'ai, le truc le plus cher que j'ai acheté. Franchement, en fait, pas tant. Je suis pas un gars qui va se ruiner sur. Bah, ma copine, pardon, mais m'a offert un poster dédicacé de Kevin Smith. Cool. Et ça, c'était cool. Un peu trop cool. Mais en fait, ça, c'est des trucs dédicacés. Moi, à une époque, je voulais acheter tous les scénarios dédicacés. En fait, ça se vend beaucoup sur internet. Ah oui. C'est-à-dire que les gens à Hollywood chopent des gens connus et leur font dédicacer des scénarios qu'ils ont réimprimés. Et du coup, t'as un scénario dédicacé par le scénariste. Et ça, c'est un petit truc un peu de nerd, ouais. De la comédie que j'aime bien. Sauf qu'en fait, j'ai appris que la plupart, c'est juste des gens qui mitent des signatures sur des scénarios. Ah, oui, quoi. Oui, donc, ah, oui. Donc, un peu déçu de ouais, cette nouvelle. Aïe, aïe. Et donc, du coup, j'ai arrêté d'en acheter. Mais j'avais acheté, ouais, celui de Community, celui de Friends. Enfin, j'avais acheté, genre, des premiers épisodes de séries que je trouvais cool. Et apparemment, je me suis fait rouler dans la farine comme une vulgaire escalope, tout simplement. Très certainement. Et toi, Adrien ? Non, des trucs chers. J'en ai acheté tu un. Tu peux craquer, toi, pour des trucs chers, un peu, en vrai. Sur un truc qui a un coup de cœur. Ouais, ouais, ouais, ouais, parce que j'ai. T'as un livre ouvert en fait, je lis en toi. J'ai énormément d'oseille. Ouais. Non, non, non, mais non, j'avais acheté un truc, mais c'était pour ma copine que je l'avais acheté. C'était une figurine d'époque de Macaulay Culkin dans Maman, j'ai raté l'avion. Mmh. Avec c'est drôle un... de chercher le titre du film et d'avoir oui. Le nom du gars. C'est le seul truc qu'il a. Et en fait, ce qui est drôle, donc c'est il est un peu articulé vite fait, il fait à peu près, je sais pas, 20 cm de haut. Et en fait, il a un bouton. Sur le bras et t'appuies dessus et il a un haut-parleur dans le dos et ça fait un truc sauf que je sais pas pourquoi mais c'est assez ridicule, c'est-à-dire qu'en fait quand t'appuies sur le bouton ça fait un hurlement qui n'est pas un hurlement de Macaulay Culkin dans le film mais le hurlement d'un des casseurs flotteurs quand il se fait brûler le crâne et tout, donc c'est très bizarre, c'est-à-dire que t'as Macaulay Culkin avec la bouche ouverte et t'appuies et ça fait non. Et du coup tu fais, bah, c'est bizarre, c'est anxiogène en fait quoi, c'est... mais la figurine en elle-même est vraiment cool, mais c'est peut-être vendu séparément, un truc où tu mets les casseurs flotteurs derrière et du coup. Je sais pas, peut-être, je sais pas, mais. Ou tu t'es peut-être fait complètement arnaquer aussi. Non, non, ouais. Bah non, parce que c'est vraiment non, c'est un vrai, truc, c'est un vrai truc officiel et tout. Ouais. Mais le truc. Et ce qui est encore plus flippant, c'est que à mesure que les piles perdent en énergie, le bruit oh, ça fait. Tuez-moi, tuez-moi. Je l'ai. Non, j'avais, ouais, sinon, non, moi des trucs. Non, des trucs de fan, non, j'en ai pas trop acheté pour t'es moi. T'es pas matérialiste, toi, de toute façon. Ah, je sais pas. Non, mais moi, en fait, moi, j'aime beaucoup les trucs pratiques. Moi, j'ai pas mal de bibelots quand même chez moi, mais ouais. J'aime plus les trucs pratiques que les. T'aimes trucs les gadgets. Bah, c'est l'inverse de pratique du coup. Non mais chez toi j'ai remarqué t'as des petits dinosaures, des petits c'est des vrai, couteaux c'est suisses, vrai. Trucs comme ça, non? Oui oui oui mais voilà. Non. Ce que j'appelle mais... des gadgets moi. Voilà. J'étais avec toi. Non j'ai des trucs mais pas des trucs chers tellement je crois pas. Et toi Alison, des trucs où tu t'es non, non. Je crois t'as... pas. Ouais même des dessins animés ou des trucs ou un j'ai t-shirt. T'es genre pas dans la nostalgie. Si, ça, je suis beaucoup oui. Dans la nostalgie. C'est ça, j'ai l'impression. Si, j'ai eu de la panoplie des Spice Girls. Bah, les t-shirts, pas... les montres. C'est pas de la merde. Trop ouais. Bien. Et je suis dégoûtée parce que je crois que ma mère les a attaché à un moment où j'ai dû grandir et j'aurais adoré les avoir encore. Bah, j'ai envie de chialer. Qu'est-ce que bah, tu veux ouais, ouais, ouais, bah, je tremble. Je suis pas bien. Je tremble. En train de trembler. Oh, le trembleur. Les amis, on passe à un nouveau segment. Ah, un segment, non, pas nouveau, les gens le connaissent, mais un segment de l'émission où je donne un peu l'actu de la ville d'où je viens, la ville d'Autun, parce qu'il y a des petites infos, donc petit jingle bruité à la bouche. C'est l'actu d'Autun, c'est l'actu d'Autun. Le maire est un hashtag geek, c'est vraiment la fête. C'est l'actu d'Autun. Ah non, il y a un décodeur, hein. C'est l'actu d'Autun. S'il vous plaît, monsieur le maire, renommez le rond-point. Voilà, on essaye en fait de marquer la ville d'Autun de notre fer rouge, puisque c'est là d'où je viens. Il s'est passé quelque chose à Autun, il y a eu une altercation entre le maire hashtag geek, parce qu'en fait, le maire. Ah, si. C'est-à-dire que le maire sur Twitter, d'Autun, sur Twitter, qui nous follow, Adrien et moi. Est un hashtag pas, geek moi. Toi je sais pas ouais. En tout cas moi il me follow et en fait pour faire la petite histoire, il a renommé sa bio Twitter en disant je suis un maire hashtag geek selon Floodcast, c'est à dire que c'est devenu un ami de l'émission. Trop c'est à dire que on commence à peser dans le game. Le maire hashtag geek a déposé plainte contre Evelyne Guillon, présidente de la fédération départementale des chasseurs, pour quelque chose d'assez rigolo que j'ai découvert et que je voulais partager avec vous. Est-ce qu'on doit deviner du coup comme tu les infos peu insolite ou pas? Tu peux essayer de deviner. En fait, c'est pas si intéressant. C'est juste que j'ai appris quelque chose avec ça qui m'a un peu. Je ne connaissais pas. C'est-à-dire qu'il y a un type de diffamation qui existe qui s'appelle la diffamation non publique envers une personne publique. Ah ouais, c'est-à-dire que je connaissais pas. Chez toi, tu dis putain, le maire est un connard, et lui passe, il fait wow, quoi? Ah ouais? Exactement. C'est-à-dire que en genre, fait, tu parles tout seul chez toi et tu. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que le maire a déposé plainte contre cette dame parce qu'en fait, elle a envoyé un SMS au président des différentes sociétés de chasse, parce qu'en gros, le maire n'est pas tout à fait d'accord avec les façons dont la chasse est faite à OTA. Et donc, du coup, elle a envoyé des SMS dans le cadre privé, mais qui étaient diffamants envers le maire d'OTA. Et j'ai appris que l'auteur d'une diffamation non publique, dont vous pouvez tous être victime, hein. Ah attention, bah, si quelqu'un envoie un texto, ouais, ah non, oui. Mais c'est ça. Mais toi, il faut c'est pas ouf. Que tu te fasses fouiller ton téléphone. Ah, c'est des petites blagues privées, Alice. L'auteur d'une diffamation non publique. Ah, il transpire. Bah, je suis en sueur. Robert en sueur. L'auteur d'une diffamation non publique est passible d'une amende de première classe d'un montant maximum de 40 balles. De 38 euros. Ah putain, ça va. Donc voilà, faut que vous sachiez. Un peu pour le principe, quoi. Voilà, parce que on rappelle que les chasseurs sont tous des tas de merde. Oui, je non, voilà. Non, mais c'est vrai que c'est un truc qu'on dit dans l'émission et qu'on répète assez régulièrement, les chasseurs sont des tas de merde. Ah oui. Oui, on se permet, écoute, voilà. Donc voilà, 38 euros si vous insultez quelqu'un de connu, mais dans votre cadre privé. Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là? Il faut partir maintenant. Hein? Ah bon? Ben oui, maintenant, c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40 euros remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la. 38 balles. Et, ouais. Mais c'est presque un truc que t'as envie de t'acheter. C'est cher pour un truc pas public, en fait, quoi. Si c'était public, tu payes 40 euros, je le ferais, tu vois. On peut prendre un forfait. Non, tu sais, genre pour une soirée, on se cotise, on fait un pot commun. Ah oui, et on se dit, ouais, c'est soirée. Très beau cadeau d'anniversaire. C'est beau. Bah, Sophie, ce soir, pour tu, Noël. Peux... Sophie, tu peux chier sur tout le monde, on s'est tous cotisés. Tu peux chier sur 12 personnes ce soir. Et on la portera à ses oreilles pour qu'il t'attaque en justice. Voilà, et après, et tu te sers dans le litchi tranquillement et tu peux. Ah ouais, donc. Ouais, okay. Écoutez tout bonnement. Ils ont parlé derrière son dos. Écoute, j'ai l'impression que les rageux, en tout cas, se sont permis, et je crois qu'ils sont en train de maigrir. Ils vont maigrir, ouais. Mais en tout cas, leur portefeuille va maigrir de 38 euros. Ont-ils dit des nananis et peut-être quelques nananas? J'ai l'impression que les deux ont été dit, ouais. Ouais. J'ai envie, moi, j'ai envie alors de lui qu'il y dire... avait R, il y avait R. Il y avait non, R. Dire, y avait R. Mais moi, ouais. J'ai envie de lui dire, laisse parler les gens. Laisse parler les gens. Bah, on s'en fout. Oui, on s'en fout, voilà. Nous passons à la suite d'un segment. Alors celui-là peut être très facilement coupé au montage parce que j'en suis pas certain. Ah. Est-ce que vous connaissez l'émission Boomerang d'Augustin Trapenard? Oui. Je connais l'objet, le boomerang. Et la petite vidéo sur Insta. Non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Elle non, je connais, en vrai, je connais. De oui. Tu connais? Est-ce que tu as déjà écouté l'émission Boomerang d'Augustin Trapenard? Une fois. D'accord. Moi, oui, et ça m'a énervé pour une raison très particulière. Je l'écoutais pour m'endormir. Et je me suis dit, bah tiens, il y a un boomerang avec Philippe Catherine. Oui. Donc très bien, une voix douce, machin. Ouais. Sauf qu'en fait, il passe des chansons. Il y a Camille pendant l'émission. Et qui du est coup, arrivé, ouais. Je m'endormais avec la voix de Philippe Catherine et la chanson m'a réveillé. Ah là là. Et moi, une fois que je me réveille, j'ai beaucoup de mal à me rendormir. Donc j'étais très énervé après. J'ai écouté Auguste Rapp. Ouais. Bah j'ai dit, c'est... mais je m'énerve assez facilement. Parce que moi, j'ai écouté, 40 euros, effectivement. J'ai écouté cette merde, émission. Putain. Et pareil, j'ai été surpris par les chansons. Donc je comprends, ah oui, exactement. Ouais. Mais en fait, on n'a plus l'habitude. Mais en fait, comme c'est des émissions de radio, nous on écoute des podcasts où les gens ne passent pas les chansons, quoi. Après, nous on a des jingles de ouf, mais c'est vrai qu'on passe pas de chansons. C'est vrai. Moi, ce que j'aime dans cette émission, c'est l'écriture des textes. Et quand t'écoutes, t'as l'impression de. Tu veux me checker ou tu me fais non, un justement, coucou. C'est fou. Tu vas m'offrir une transition. Ah, donc termine. J'aime bien la prose. J'aime comment il parle, Augustin, avec son flow. C'est reposant et c'est. Joli à écouter. Bah écoute, ouais, il est très bon. Tu ne crois pas si bien dire parce que j'adore aussi. Et c'est le thème de ce jeu. Mais non. C'est-à-dire que pendant son émission, alors c'est très précis, mais si vous l'avez, je pense que ça marche. Augustin Trapenard a toujours un moment, quand il revient de la pub, il décrit son invité de façon un peu poétique. Oui. Donc je vais décrire des personnalités qui ont un rapport un petit peu avec vos vies chacune. Il va falloir deviner. Attends, donc ça, tu vas parler de nous? Alors sachant que pas, coup, pas, pas, moi. Pas toi Adrien, ouais, j'en suis vraiment désolé. Nickel. Notre environnement. Je m'annonce comme invité, ce qui est humiliant, et après il me traite pas comme un invité en plus. Voilà. Du coup, faut que tu prennes une voix de velours. C'est une question piège ou pas? Y a pas de piège. Augustin Trapenard. Oh non. Elle aime les jeux de mots. Moi j'aimais moi. Mais moi je suis friande. Oui, mais moi je suis intolérante aux jeux. Oh là là. Oh yo. Mais au moins un coucou de chic quand même. C'était les batteries. Coucou de ching. Coucou de ching. Mais c'est le terme technique. Oui, oui, oui, c'est ce que dit la star musique à cliché. On dit toujours le coucou de ching. Mais juste pour vous dire, là vous l'avez bien vendu, j'ai re-envie de réécouter. Ah, c'est vraiment jouette. Je sais qu'il vient d'en faire un avec Pénopagieux, je crois. Alors ça, et... c'est 21 cm qui est qui est la taille de la bite du mec. Alors c'est ça que j'avais dû écouter, c'est pour ça que j'étais. Mais ça c'est une émission télé même, c'est sur Canal Plus. Non, c'est pas ça. Mais là vous me l'avez vendu, j'avais pas dû être sur le coup. Et donc je vais dès que je rentre, je me refais toutes les émissions. Enfin dès que tu rentres, n'hésite pas à écouter Floodcast, le podcast du rire en pagaille. Donc je vais vous décrire des êtres humains et à vous de savoir de qui je parle. Mais attends, tu décris les gens autour de la table, on est d'accord. Non, je décris des gens qui sont en rapport. Ouais, ça devrait ring the bell. Dans leur vie personnelle, raisonné, quoi. Ce qui permettrait peut-être de raconter des anecdotes de la vie ou donc je peux jouer quand même. Tu peux jouer quand même avec la musique de l'Auberge espagnole. Bah qui est aussi en fait le générique de Moumang tout simplement. Très bien. Ça quelque part on est entre le Père Noël et le Père Fouettard. La moustache noire solide comme Hitler. Une nuit. Comment? Hitler. Mais quoi? On joue non? Mais en plus c'était un exemple pour que vous compreniez. Non mais Père Noël cheminée. Non, Père t'inquiète Fouettard. Pas. C'est-à-dire quelque part on est entre le Père Noël et le Père Fouettard, la moustache noire, solide comme une nuit sans lune, et une barbe blanche qu'on a peur de caresser parce qu'on n'aimerait pas la salir. Il a le regard manifeste, la voix capitale, KM, comme pour dire carrément militant. Cadmerade, oh yeah. Non, merde. Kim Chapiron. C'était Karl Marx. Karl Marx. Oh, là d'accord. Mais c'était, voilà. D'accord. C'est un exemple. Moi, j'ai cherché dans le... Non, là, c'était pas par rapport à votre actu. C'était juste comme ça. C'était pour donner un exemple. En... Bah, très bien, mec, en fait. Ouais, c'est vrai. Je fais n'importe quoi. Et en même temps... Là, je suis énervé, en fait. Non, mais je t'invite à te remettre... Cette émission m'énerve, en fait. Non, mais... Kylian Mbappé. Ah oui, ça marche. Karl Marx. Il a pas de barbe blanche et de moustache noire. C'est vrai. Je t'invite, Adrien, à te remettre dans tes gonds tout de suite. Et je suis regondé. Il est sorti de ses gonds. Ouais. Je vous en fais un. Donc cette fois-ci, ça compte, d'accord? Prank. Oulala. Mon invité de ce matin a le cheveu onduleux, comme le vibrato de ses cordes vocales que j'imagine sensibles, tantôt rauques, tantôt aiguës. Comme ces pianos d'hôtel, vous savez, ces pianos d'hôtel comme on en trouve en Normandie. Le piano de mon invité date des années 90, ambiance pop, JoJo's et VHS. Marc on l'a Lavoine. Entendu plus récemment, plus real avec le chanteur de la colline du Cyprès. Et ses cheveux bien onduleux n'ont plus la même couleur qu'autrefois, même si son pseudo tente de nous faire croire du contraire. Oui, branché oh le détecteur de mensonges car on l'a pas oublié. Oh yeah. Ah, tu le fais bien. Ah, oh, écoute, ouais, ouais. Non, c'est fou. Ah, merci. La Rousseau qui revient avec une tournée des années 90 pour notre plus grand plaisir. Exactement. La attends, Rousseau, le chanteur de Cypress Hill, t'as dit là. Il a oui. Fait un feat avec le chanteur avec wow. B-Roll de Cypress Hill. Okay. La Rousseau que j'essaie de joindre vraiment parce que j'aimerais qu'elle participe à un spectacle. Voilà. Et donc, au cas où elle nous écoute, parce qu'on me dit qu'elle écoute souvent. Bah, elle et Zemmour, c'est les deux. Voilà, ouais. C'est les deux vedettes qui nous écoutent. J'aimerais tellement. Mais toi, tu as pas tourné avec La Rousseau? Pas du tout. Pas du tout. Non, je parle beaucoup oui, d'elle. Ça, je parle beaucoup d'elle dans mon livre. J'ai fait une chronique sur France Inter, le code La Rousseau, où c'était pour sensibiliser les gens au code de la route sur la mer de La Rousseau. Mais oui, mais très présente dans ton travail quand même, La Rousseau. Ouais. Et non, mais c'est fou, ces gens-là, ils te quittent jamais en fait. Je suis très nostalgique des années 90, mais toi aussi. Wow, carrément. Ouais. Oui. Vous vous retrouvez à ce niveau-là. Et donc je vais voir Camaro la semaine prochaine. Ah, voilà, ça ne se dit pas en public. Hein, ouais. Mais en quel honneur. En concert, tu vas le voir? Oui, mais alors je me demande ce que va être le reste du concert. Parce que. T'es un peu parti à la fin. Je connais que Femme Like You. C'est ça, à la fin de chaque chanson. Ah oui. Mais je suis sûre que c'est de qualité en plus. Pardon? C'est son concert. Oui. Moi, voilà. Je suis déjà surpris qu'il fasse encore des concerts. Oui, c'est Camaro. Vrai. Non, mais il est génial. C'est un concert des 20 ans, non? Un truc comme ça. Je sais pas. Non, il en fait pas souvent. Mais il était devenu producteur. Oui, et il a fait une belle carrière. Il a lancé Scheim. Complètement. Bien sûr. Scheim de Dals. Scheim Like You. Je parle un petit peu comme les jeunes. Tamara. Oui, exactement, tout simplement. Eh bien, voilà, c'était La Rousseau. Dans les autres obsessions, j'avais noté... Ophélie Winter, c'est plus toi. Non, c'est toi. C'est oui, vu, mais alors est-ce qu'on parle vraiment d'Ophélie en ce moment? Ah oui, c'est vrai. Putain, mais il y a des trucs d'actu. Ah, elle, elle va mieux, je crois. Apparemment, alors, elle dormirait dans sa voiture en ce moment. Je crois qu'elle va pas très très bien. Oui, j'ai entendu ça. Oui. C'est un peu chum quand même histoire, que les gens viennent prendre les ces personnes en photo quand ils sont dans des situations. Alors, d'ailleurs, il y a des on peut gens le dire, qui l'ont pris en photo. Oui, d'ailleurs, on peut les gens qui sont pas paradis, on peut d'ailleurs les inviter à rejoindre les chasseurs. Ce sont des chasseurs d'images, donc. Ah bah oui, non mais quoi? Attendez, je suis pas Augustin, mais bon. Bah, tu maîtrises un petit peu la poésie quand même. Ah, un peu. Très bien, je passe à notre nouvelle invitée. J'aime bien. Boomerang. Il revient, bah, il revient, c'est un boomerang bah, en oui, fait. Non, mais ça, forcément. C'est vrai, quelque part, on est entre Dupont et Dupont et Dumb and Dumber. L'un qui a l'œil rieur, dissimulé sous ses petites cernes dessinées par ses enfants, tandis que l'autre, le Hardy de son Laurel, le Terence Hill de son Bud Spencer, a la sagesse d'un grand plus sidadé que ça. Avec un nom tiré d'un héros qui traverse le temps, on leur souhaite le même destin et qu'ensemble, ils retournent le futur. Oh yeah! C'est McFly. Hein. McFly et Carlito! Ah, oh oui, bien sûr! McFly et Carlito qui sont un peu liés à tes débuts. Bien Léopold. Sûr. Je trouve très charismatique quand tu parles comme ça. Écoute, oui, bah. Quand tu imites quelqu'un d'autre. Quand je ne suis pas moi, Léopold, c'est ça? Non. Mais... c'est... Ouais, ouais, McFly et Carlito à fond. Comment ça s'est passé en fait? Parce que alors tout le monde connaît votre rencontre à Golden, parce que même nous on était là avec Adrien, on était dans le couloir d'à côté. Mais comment ça s'est passé de un coup de foudre artistique? Comment on pourrait décrire ça? Ouais, en fait. Humain aussi, un peu humain. Ouais, c'est une aventure humaine. Il y a quelque chose comme ça. Moi, je bossais à Webedia en tant que rédacteur pour un web magazine. De Schweppes, c'est ça? Village Schweppes. Ouais. Village Schweppes. Village Schweppes. Et eux sont arrivés à Webedia. Village ouais, Schweppes. Moi j'étais à. Part du principe, Adrien, que tout est Webedia. Et après, tu enlèves quelques trucs, genre nous, et c'est tout. Voilà. Et donc j'étais au deuxième étage, et eux sont arrivés à Mixicom, ils étaient au dernier étage, et on s'est croisés. Et vu qu'on se connaissait un tout petit peu de Golden Moustache, on s'est dit c'est trop cool, bah faut qu'on déjeune ensemble à la cantoche de Webedia, qui est très très bonne. Excellente, et puis les gens sont souriants. Ouais. Voilà. Mais pas très cher en plus, donc voilà. Ça va. Il y a des canettes, pourrait être encore moins cher vu que c'est une multinationale très riche, mais en tout cas, c'est vrai que c'est pas si cher que ça. Et qu'ils économisent en ne payant pas les comédiens aussi. Et donc, on est à la cantine. Et du coup, on s'est fait des déjeuners, et on s'est apprécié, on s'est aimé, et on est devenus amis. Et j'ai lancé ma chaîne YouTube, ils m'ont dit, bah viens, on fait des vidéos ensemble, et voilà. Après, on connaît la suite. Sympa de leur part. Voilà. Moi je t'ai découvert dans, mais je suis en retard, dans Stand Up de merde. Ah oui, bah et ouais. J'ai beaucoup aimé. Bah trop cool. Et ça me fait beaucoup rire ça. C'est le meilleur truc. Qu'est-ce que c'est drôle. Moi ça a failli briser mon amitié avec McFly et Carlito parce qu'ils m'ont pas prévenu qu'il y avait Edouard Baird dans une de leurs vidéos. Ah, putain, alors que c'est mon idole. Mais de ouf, mais bien et sûr. Ils le savaient parce que le bouquin, je l'ai lu. Ouais. Donc quelque part c'était vraiment. Vous il est rasé. D'ailleurs depuis ça peut se faire rager. Edouard Baird commente souvent mes photos sur Instagram. Bien sûr. Ses vidéos. Mais c'est incroyable. Il y a de très grandes chances que ce soit un CM. Donc au final pas tant. Non. Non pas du tout. C'est de la jalousie pure. Hein. Faites pas attention. D'ailleurs s'il passe par là. Je pense à toi. Il n'écoutera jamais. Sophie, t'as non, dit quelque chose? Rien. Ah, tu voulais juste que parce que j'étais médisant et tu voulais. Oui, pas parce que t'as dit CM et des fois je tape les gens qui ils sont méchants. Non, c'est normal. Voilà. Ça fait de toi un peu une justicière. Ça te rend humaine. Oui, donc j'étais très déçu. Et là où t'as eu énormément de bollocks, c'est en venant à poil à un moment. Et je voulais savoir ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui se dit je vais tenter d'être à poil face à Edouard Baird. Alors je ne sais, c'était. Ah oui. On avait préparé un peu pour le deuxième épisode de Stand Up de merde. Donc j'avais prévu de mettre à poil à un moment. Ouais. Et donc j'ai décidé de sortir ma plus grosse cartouche parce que c'était ma plus grosse cartouche. De et mettre, c'est sa queue Et il se trouve que juste avant. Il y avait un cheminement dans mon processus créatif artistique. Bah, rapport quand même pour les gens qui ne savent pas, tu es Banksy d'ailleurs. Non, mais c'est vrai, il y a tout un truc derrière. Et du coup, c'était le moment où je devais me mettre nu. Et Edouard Baird est arrivé juste avant, donc ce moment est arrivé. Et c'était très bien. Moi, j'aimais bien la tristesse dans vos yeux quand vous n'aviez plus d'idées et que vous deviez revenir sur le devant de la scène et que ça devenait humiliant. Mais vous y alliez quand même. Non, mais c'est un vrai exercice de confiance en soi et puis de. Ben, juste, c'est un vrai exercice de théâtre. Ouais, on se libère quoi. Et puis après, on fait ça entre potes. C'est juste qu'au moment où tu le fais, on oublie qu'il y a des millions de gens qui vont le voir. Moi, tu mets Edouard Baird, je crois que ça m'impressionne plus. Mais j'ai un truc un peu relou avec ça, avec le côté un peu artiste métier et tout. Ah non, mais moi, ça m'impressionne cul, hein. Beaucoup plus de me dire il y a Edouard Baird qui va regarder que des gens que je connais pas. Tu vois. Mais bien sûr. Ah non, non, mais nous on savait qu'il y avait une surprise. Donc on se doutait un peu. Enfin, moi, je me doutais un peu qu'il y avait quelqu'un, un vrai humoriste qui allait venir. Mais quand j'ai vu que c'était lui, j'étais sur le cul. Enfin, tu vois, tu me mettais Alain Chabat. Enfin, c'était ces deux personnes où vraiment j'aurais pu être sur le cul. Donc, mais surtout que c'est assez surprenant parce que même. Le cul à poil. mais surtout que c'est assez surprenant parce que même tu te dis, McFly Carito et Edouard Baird, c'est même pas. Enfin, moi tu, quand ils me disent il y a un humoriste, je me dis, ah, ça va peut-être être Jamel ou Gad, qui est déjà venu chez eux. Et le fait que ce soit Edouard Baird, c'est vrai que je pense que j'aurais vraiment dégueulé au sol de stress. Ah, t'en fais des caisses, non ? Non, vraiment, non, je pense que j'aurais dégueulé. Je te jure, j'ai raconté au Bataclan, j'ai dégueulé pour Astier, donc je peux largement dégueuler pour Edouard Baird. C'est hyper dur de jouer devant des gens que t'admires. C'est vraiment compliqué. Même si tu mets plein de potes autour, il y a un truc de ouais, mais là, ça me. Toi, ça a dû t'arriver tellement de fois, non ? À quotidien, plein de fois. Gaspard Proust, où je me suis liquéfiée et j'ai fait ma chronique avec une voix comme ça, et aucune vanne n'est passée. Et les vannes sont restées ici, dans la trachée. Restées les bras croisés, regarder mon prompteur, et je croyais que ça passait pas. Après, il m'a dit c'était super. J'ai fait chouette. Mais voilà, il exprime ses émotions un peu différemment. Et en fait, je me suis en gardant ça en lui et en ne montrant rien sur son visage. Ouais, voilà. je me suis sentie ridicule parce que tu te dis c'est con, c'est un moment. Enfin, en fait, ils connaissent l'exercice, donc il n'y a pas de raison de les déifier, mais tu te dis quand même, c'est trop dur. Gaspard Proust, en plus, il faisait sa chair à 10 ans, donc il doit connaître largement le truc de... Ouais, mais ça fait longtemps, ça fait longtemps. Et c'est toujours dur, dès que t'as des gens qui sont dans le métier humoriste ou comédien, ils sont pas forcément les meilleurs clients de tes sketchs, parce qu'ils ont peut-être pas envie, peut-être que c'est un truc systématique et qu'ils connaissent trop, tu vois. Oui, puis il y a la peur du piège aussi, j'ai l'impression, des fois. Il y a un espèce de truc de... Est-ce qu'on va me parler ? Est-ce qu'on va dire du mal de moi ? Est-ce qu'on va me sniper ? C'est ça. Ouais, je comprends. Donc toi, tu mets Gaspard Proust, c'est marrant, j'aurais pas cru. C'est la dernière fois que je me suis liquéfiée devant quelqu'un. Après, quand est-ce que ça me l'a fait aussi ? Plein de fois, plein de fois. Moi, j'ai vraiment craqué un jour. Toi, au théâtre ? Non, c'était à la radio. Mais en plus, c'est nul parce que autant je peux être en admiration devant des gens, parce qu'une fois, il y a Dominique Farrugia qui était dans ma salle, et dire que en fait, j'étais pas là. Ouais. Parce que tu connais son rire. Et je me disais, il est pas là, il entend pas, et je l'entends pas, et j'étais pas. Et tout le long, je me disais, je vais dire Dominique Farrugia en jouant. Tu sais, je me suis dit, faut pas que tu le dises, mais pourquoi j'aurais dit ça, je sais pas. J'ai fait une parano sur le fait que j'allais dire son nom. Enfin, c'était horrible. Ouais. Et qu'il allait haïr, du coup. Elle a dit mon nom. Non, après, mais il a été tellement adorable. Donc, ça, si tu veux, c'est une des fois où vraiment je me suis sentie vulnérable. Mais une fois, j'ai vraiment craqué. Après, j'ai écrit un texte pour m'excuser tellement. Mais j'ai explosé en sanglots. Je me plaisante pas. Mais alors ? Mais non, mais j'étais à Europe 1 et j'avais Pierre Palmade. Et la veille, j'avais fait une crise d'angoisse, mais vraiment, parce que je n'arrivais pas à écrire ma chronique. Et à 1h du matin, j'appelle ma sœur en lui disant Je peux pas, j'écris que de la merde, je vais faire de la merde. Elle me dit bon, reprends une vieille chronique, machin. Mais vraiment, j'ai fait un truc. Fais-lui et j'arrive là-bas. et je l'ai vu et je tremblais. Mais je devais être très, très vulnérable ce jour-là. Je tremblais. Je ne peux pas regarder. J'avais ma feuille comme ça, je fais ma chronique. Il rigole en plus à tout et j'avais juste envie de lui faire des câlins. Et à la fin, t'as Daphné Burki qui dit on peut vous le dire, Anne-Sophie Girard était très émue de faire sa chronique devant vous. Et là, ça se met à couler des kilomètres. Et je ne peux pas le regarder. Je suis désolée, pardon. Ah, oh, mais j'ai tellement honte. J'arrêtais pas de dire ah, oh, mais c'est nul, pardon. Et en fait, c'est en direct à la radio, en direct. Aussi, bien sûr. Et alors après, en plus, c'était ah, mais non, c'est des jolies larmes et tout. Et moi, j'avais juste envie de lui, il adore les acteurs. Mais et puis il me disait, en fait, lui, il avait été pareil devant Jacqueline Maillan, etc. Et moi, c'est tout con, c'est pas que je le déifie, c'est que j'étais fan de lui quand j'avais 11 ans et que ce jour-là, j'avais 11 ans. Ouais. En fait, tu vois, et que tout m'est revenu et l'insécurité qui va avec le fait d'être très jeune. Et du coup, voilà, j'étais. Puis après, j'avais expliqué, désolée d'avoir pleuré. Enfin bon, c'était nul. Voilà, je partageais ça. Mais t'as l'air, c'est trop mignon. Ah, en sortant, déjà, il m'a fait un câlin. Il me dit, je suis plus mal à l'aise que toi parce que c'était trop beau et en plus, c'était hyper drôle ce que t'as fait et tout. Et il m'a fait un câlin hyper maladroit. Et moi, je voulais juste partir. C'est quoi un câlin maladroit ? Mais on savait pas comment c'était dans l'arcade sourcilière. Et je pouvais pas le regarder. Je ne l'ai pas regardé dans les yeux, donc je ne sais pas en fait comment il a réagi. Je pouvais pas. Je suis partie pleurer dans les toilettes. Voilà. Non, mais si, c'est des chocs. Très mignon. Moi, je crois que j'ai raconté ici, mais moi, quand j'ai rencontré Kevin Smith, il y a eu aussi la voix cassée de. Tu sais, il y a des trucs. Moi, c'était moins ça que. Non, mais c'est pas. C'est bizarre que ça arrive. Tu vois, une espèce de truc de. Vu que j'allais à son podcast, donc je savais que j'allais le voir. Donc le voir, j'étais très bien. Genre, oui, bah voilà, je vois un spectacle, c'est trop cool. Mais de lui parler et de commencer à essayer de parler en anglais et d'essayer de m'exprimer, que c'est grâce à lui que je fais des trucs et machin, c'était même pas de la peur, c'est vraiment de l'émotion qui te submerge. Et ça m'a. Dès que j'en parle d'ailleurs, ça me fait un peu ce truc-là, c'est de trucs, c'est fou que ce soit arrivé quoi. Tu sais, il y a un truc un peu de. Ah, ça me touche. Bah, t'es en train de vivre un des plus beaux moments de ta vie. Donc, Sa meilleure vie, même. Non, mais ça boucle des trucs, en fait. Ouais, ouais. Et surtout quand ça se passe bien, que la personne est gentille, que la personne, tu dis, mais en fait, c'est trop bien, elle m'offre un peu un moment. De façon, moi par exemple, je sais que je suis très mauvais avec, et pourtant j'en ai pas tant que ça, mais tu vois, des gens qui me disent qu'ils aiment bien ce que je fais, qui me déifient. Les gens qui te déifient, non, mais les gens qui me disent qu'ils aiment bien ce que je fais ou que machin, j'ai toujours un truc où j'ai l'impression de mettre un peu un masque parce que je fais genre ah merci beaucoup. Et tu chantes et ils modifient ta voix en plus. Non, mais c'est vrai que j'ai des phrases un peu bateau de personnes malaises que je sais pas encore quoi dire. Et t'arrives pas à le prendre pour argent comptant. Si, en fait, je le crois et ça me fait vraiment plaisir, mais je ne sais pas comment réagir. En fait, il y a rien à dire, en fait. Enfin, je veux dire, les gens qui te font des compliments. Gens attendent, oui, mais non, je pense pas. Je pense que ce qui compte pour eux, c'est de te le dire, quoi. Ouais. Enfin, tu peux dire merci, ça me touche, tout ça, mais il n'y a pas grand chose à dire, je pense. Enfin, c'est pas. Ouais. C'est le moment où ils peuvent te le dire, tu vois. Oui, mais tu vois, Kevin Smith. Ils t'ont entendu parler des tas de fois, en fait, quoi. Oui, donc, bien sûr, mais tu vois, Kevin Smith, il y avait un truc où il m'a tellement offert sur le moment où ça m'a fait à posteriori un peu se sentir comme une merde. Parce que moi, par exemple, je suis pas du tout tactile, et lui, bon, après, c'est à l'américaine, oui, donc il m'a vraiment pris dans ses bras, il m'a payé un verre derrière et tout, machin, donc il y avait tout un délire, tu vois. Et moi, je serais incapable de faire ça, parce que déjà, je déteste boire des coups. Mais bon, là, je fais un effort, c'était Kevin Smith. Et je suis pas très tactile, et les câlins, ouais, les trucs, c'est un truc. Mon père, c'est Freddy, je te rappelle. Donc, il y avait un truc un peu. Donc, non, mais du coup, c'est vrai que c'est un truc où j'ai un peu de mal, tu vois. Donc c'est toujours un peu. Je me souviens à Japan Expo, il y avait une fan qui fait ah, j'aime beaucoup. Je fais ah, merci. On peut faire un câlin? Et j'étais genre. C'est vrai, honnêtement, non. Mais quand on me demande ça, j'ai toujours peur qu'on me plante. C'est normal ou pas? Tu sais, je fais le câlin, je lui dis peut-être je vais crever, peut-être elle va me sortir un couteau et faire chla. Fort boyard. Ah, la brosse à dents. Mais moi, j'ai un truc encore plus ridicule. C'est qu'un jour, je regardais le Tabs, donc de l'ami JB de Tales from the Click, sur Steve Carell. Et à la fin, il dit une info que je connaissais déjà, qui est que Steve Carell, il est gérant d'un magasin aux États-Unis. Il a un general store de gun, très décevant. une sorte d'épicerie stylée, quoi, disons. Okay. Et en gros, il dit et des fois il va mettre des trucs en rayon. Enfin, il va bosser dedans, quoi, pour de vrai. Et il disait et si un jour vous passez, bon voilà, si vous allez dans machin, vous pourrez peut-être tomber sur Steve Carell et tout machin. Et en gros, moi, je me suis imaginé tomber sur Steve Carell et j'ai eu les larmes aux yeux, mais juste de l'imaginer, quoi. C'est mignon. J'étais peut-être pas au meilleur de ma vie à ce moment précis. Mais c'était une année pas la plus drôle. Il y avait vraiment eu un truc de genre juste de m'imaginer la situation, j'étais genre pas bien, quoi. Enfin, mais moi, ça me l'a fait deux fois aussi quand j'ai vu Adam Sandler sur scène. Mais ça, c'était encore différent, c'est que j'étais très fan d'Adam Sandler, mais pas comme Kevin Smith de ça m'a poussé, ou tu vois, j'ai plus grandi avec Jim Carrey que Adam Sandler. Mais en fait, c'était le gars normal. Enfin, j'ai été. Peut-être que je me fais tout un monde de certains artistes, mais il y avait un truc de. Il est venu faire son stand-up d'une heure et demie, mais vraiment en suite avec une cup Starbucks, avec écrit Adam dessus. Et c'était pas un rôle, quoi. Enfin, il jouait pas le mec qui s'en bat les couilles. Il s'en battait vraiment les couilles. Oh, et j'ai eu un vrai truc de. Oh putain, c'est fou. C'est des mecs, justement, que tu déifies. Et là, il est là, genre, bah, ça va passer une bonne soirée, c'est cool. Voilà, ouais. Je vais faire une heure et demie spectacle. En fait, je rôde des trucs. Donc, je vous explique, il y aura des sketchs que j'ai déjà fait. Mais en fait, je vais faire la tournée des stades devant des milliers de personnes. Donc là, je le joue pour 15 balles. Donc voilà, peut-être des fois, je lirai mon texte. Mais voilà. Donc ma femme, en ce moment, elle fait. Et tu vois, j'étais là, oh, c'est trop. Ouais. Ça va, tu vois, ça te remplit d'un espèce de truc de ah, oh, c'est trop bien la vie. C'est vraiment, c'est des êtres humains, en fait, les gars que tu mets ou les meufs que tu mets. C'est sur dur des... d'être normal face à eux. C'est ça. Ça vous l'a déjà fait le truc de vouloir apparaître être cool devant détendu. Quelqu'un Pardon. De cool un peu. Ouais. Si tu veux être cool face à quelqu'un de cool, tu dis je vais pas lui prendre la tête, je vais être cool, mais je vais pas le saouler. Du coup, tu deviens hyper distant, limite passif agressif, limite désagréable, et tu te repasses à scène, tu fais j'étais horrible alors que je suis ultra fan. Tu sais, tu voulais pas le déranger. En fait, t'as dit l'inverse de ce que tu voulais. Mais oui, mais bien sûr. Toi, c'est Barbara Streisand aussi, je pense. Tu pourrais te liquéfier sur place. Je l'adore. En plus, elle a cloné ses chiens. Enfin, son chien qui est décédé, et je suis fan de l'artiste que c'était avant, et je suis encore plus fan de la personne que c'est devenu. Du savant fou que c'est devenu. Ouais. Elle promène son chien, ses bichons en poussette, elle a une vie exceptionnelle. Et c'est un mode. Est-ce que c'est une queen pour toi? Ah ouais, elle chante bien, elle joue bien la comédie. Tu cites souvent le film Funny Girl, qui est vraiment un très bon film qu'on peut conseiller aux gens. Ouais. qui aime les films musicaux et même les films tout court avec Omar Sharif qui est sublime dedans. Et très très beau film. Ah, je mais qui en cheval tout le film. Très décevant. Blog à l'ancienne. Ceux qui l'ont, Laurent, ceux qui ne l'ont pas. Tant sa grande passion. C'est mon dada. Bah, c'est son dada, c'est sa grande passion. C'est sa grande passion. Ouais, bien sûr. Attends, putain, c'est qui? Il fait les deux, non, le dada et la grande passion. C'est mon dada, c'était Guy Marchand. Non, c'était Omar Sharif. Si. Mais d'ailleurs, non, c'est non, une non, de non, nos non. dernières énormément stars françaises qui. Il est dans Laurence d'Arabie. Voilà, dire, qui était à Hollywood quand même, c'est fou. Et j'étais très surpris de voir que tu n'étais pas dans la adaptation en France de Funny Girl. T'as vu ce truc ou pas, j'ai adapté. Hein? Ils l'ont adapté en France, ouais, à Broadway. Enfin, à Broadway, à Mogador. Non, mais c'est le Broadway français, c'est là où ils font toutes les comédies musicales. Mais ça sera qui? Je juge, oui, c'est Omar Sharif, effectivement, vous avez raison. Mais à culpa. Je pensais que c'était Guy Marchand qui le disait, il l'a dit aussi. Voilà. Non, mais ils le font à Mogador, mais je sais pas du tout qui on le fait. Y aller. Mais ils le font en français, ouais. J'ai trop peur d'être déçu. Ouais. Après, c'est de l'adaptation. Il y a Yentl aussi qui est incroyable. Elle a fait un film avec ton idole, c'est Seth Rogen, où je les mélange toujours. Oui, elle est hyper drôle. Je l'ai pas vu celui-là. Mais il est drôle. Il passe très bien. T'énerve pas parce que. Oui, tu vois, exactement. Je fais attends, exactement c'est ce pas, que j'ai voisin voulais être truc. Sympa. Non, c'est pas ça du tout. Non, ça c'en est un autre. Mais elle a joué aussi dans le Ben Stiller Meet the Fockers. Oh, exceptionnel. Avec Dustin Hoffman. De quoi? Non, c'était. Je dis exceptionnel. Peut-être pas quand même. Ah ouais, tu crois? Non. Si, elle joue bien la. Ah non, mais elle, oui, peut-être, hippie. Oui. Le film, moi je disais, pas. Ah ouais, tu y a mets un chien dans les toilettes, dans. Donc pardon, mais okay, c'est bon. Vachement bien. C'est ok pour moi. Je termine juste vite fait mon petit jeu. Je relance le boomerang. Ah oui, c'est vrai. Attends, je chope. Boomerang, vas-y. C'est bon. Putain, il l'a attrapé. Non, c'est bon, je l'ai eu. Il l'a. Mon invité ce matin éblouit. Allez, je le refais. Jamais Augustin il ferait ça, putain. Non. Attends, je te renvoie le boomerang. Il relance le boomerang. Ah merde, j'ai loupé. Ah merde, il est tombé. Mais le revenir, ça s'envoie pas un boomerang, ça se attrape soi-même. Mon invité ce matin éblouit tant le soleil floridien luit sur son crâne de mille feux. Et si c'est pas. Et si c'est pas ce qui vous éblouit, ce sera sa technique. Tant il semble rester en équilibre face à cet océan agité qu'est la compétition. 11 fois champion du monde, excusez du peu, on s'attache à lui comme ce bracelet relié à la cheville, et lorsqu'on a le vague à l'âme, on l'imagine glisser dessus avec brio. Everybody's gonna surf in, Surfing USA, bien sûr. Bah oui. Elle l'a. Ah, moi, je ça m'énerve, mais évidemment, on l'a tous. Kelly Slater. Kelly Slater. Évidemment. Et pourquoi je parle de Kelly Slater? Elle a dans Sophie le surf. Girard. Tu surfes? Mais oui, bien sûr, elle vient des Landes. C'est une pure surfeuse. Elle est landaise. Son frère, ouais, elle est champion du monde de longboard. Tu m'en apprends. Tu surfes. Tu surfes depuis combien de temps? Je te mets une petite musique de surfeur en fond. Alors, j'adore surfer, mais je ne suis pas très douée. J'aime reconnaître. Voilà. Mais tu as un centre de gravité qui est haut car tu es grande. Voilà. Tu es goofy ou régulier? Ça marche pas pour ça. Non. Okay, bah d'accord. Si. Bah si, bien sûr. Tu peux le dire. Non, enfin, ah ouais, moi c'est régular, c'est ça. Régular. Pardon, okay. Autant pour moi. Non, là j'ai eu la chance d'aller surfer au Nicaragua. Ça c'est top. Ah, ça fait cool à quand côté je dis de l'île ça. Du sexe. Hein. Non, ça fait cool. Ça fait genre, c'est des grosses vagues et tout, mais pas du tout. C'est juste des vagues qui sont hyper douces, hyper parfaites, qui déroulent bien et tout. Donc c'était trop bien. Ça se fait pas mal à la tête quand tu te prends ta planche. Alors moi j'ai failli perdre un œil. Ah ouais. Non mais requin, ça fait beaucoup là. En 98, donc c'est très très vieux. Ah bah, 98. On avait qu'une étoile. Ouais, j'étais toute petite. Tu es fait... de foot. Je sais pas. Ah ouais. Oh, je suis calée. Mais j'ai une cicatrice à l'œil, ouais, parce que je me suis pris l'aileron de ma planche. Je crois que c'était ouais. Framboyard, non c'est. Et donc ouais, j'adore ça, mais malheureusement j'en fais pas assez, donc. À Paris c'est plus ouais. Ouais. C'est plus galère. Ah à Paris la seule vague qu'on a c'est celle qu'on a à l'âme. Oh! C'est vrai. Je l'ai. Après, c'est vrai que Paris c'est tumultueux depuis qu'il y a Hidalgo. Si tu vois ce que je veux dire. Bord de scène. Je sais pas, je dis des mots. Moi, je connais pas. Hein. Je On dis sort des plus mots souvent hasard. Sur le web, quoi. Oui, mais c'est un florilège. On sort un bouquin pour les fêtes de Noël, le meilleur jeu de mots. N'hésitez pas, on compte un en vendre 4. Un almanach. À part les planches de charcuterie. Aux terrasses des cafés. Oh bon, il n'y a plus rien. Il y a plein de tu vois. Oui, mais non, oui, j'en veux jamais. Mais... J'ai vraiment hâte pas que mal. Vous soyez âgés tous les deux. Ça y est déjà, mais c'est déjà fait. On n'a pas du tout le même âge, je rappelle. Donc voilà, on n'a pas tant que ça de différence, hein. Faut arrêter. 10 ans quand même. Oui, c'est rien. Que des chiffres. C'est que des chiffres. Hein. Ouais. Donc voilà, c'était le jeu du Augustin Trapenard. Donc c'était très bien, bravo. Écoutez, je vous remercie. Bravo à toi. Ça a été un peu bossé quand même. Ouais. Bah, bien sûr. J'ai croisé Augustin Trapenard à un anniversaire. Anniversaire de Théodore Bonnet. Non, c'est genre. Bah oui, mais là, tu name drop. Non, pourquoi je name drop? C'est une situation un peu gênante où il était avec Nicolas Bedos, tous les deux. Et en fait, on était dans un bar. On va moi... débriefer cette, ça après. De quoi Non, non, mais en fait, on était avec des potes. Ah bon, on était du côté de. Oui, de la scène, hein, clairement. Et en fait, c'était l'anniversaire de Théodore Bonnet. Et en fait, ils avaient installé pour son anniversaire des instruments. Mais tu étais là, Alison. Des instruments de musique. Parce que c'était son rêve. Théo, il avait jamais vraiment joué avec des gens dans un bar comme ça et tout. Donc, les gens commencent à jouer. Et moi, je chope un micro et je commence à improviser des chansons de merde. Oh, c'était drôle et long. C'était mais long. Très drôle. C'était long, bah non. Le non, bémol immédiat. Ah, c'était drôle, mais long quand même. Mais elle a remis un petit. Mais drôle. Une caresse. Mais drôle, mais plus jamais. Mais il partait jamais de la scène. Non, j'arrivais pas à lâcher. J'ai un gros problème à lâcher un micro. C'est pour ça que je fais plus au truc de karaoké. Non, c'est terrible. Je gâche les soirées, vraiment. Moi, je passe une très bonne soirée, mais je les gâche aux gens. Donc c'est vraiment terrible. Ah non, je veux trop faire un karaoké avec toi. Non, faut vraiment. Ah, si, vraiment. Là, c'est encore mieux que les karaokés, oui, parce que t'improvises des chansons. Ouais. Donc en plus, moi, j'adore, tu vois. Donc on fait des chansons de merde. T'étais 13K. Très, très. 13K, très Babylone, oui. Très l'écologie, ah, tout ça. C'est une couche supplémentaire de trucs désagréables, quoi. Voilà, alors je commençais à voir, c'est très chiant. Et arrive Augustin Trapenard et Nicolas Bedos, là, pendant que je fais Babylone, la scène, il faut la nettoyer. Donc des trucs volontairement nuls, mais quand même nuls. Et je les vois arriver, et en fait, ils vont au bar pour faire un truc de mec stylé, à savoir acheter des bouteilles dans un bar, dans une brasserie, enfin, en tout cas, pas dans un magasin, et les ramener chez eux parce que voilà, ils vivaient dans le coin, quoi. Enfin, en tout cas, un des deux vivait dans le coin. Ils n'étaient pas invités à l'anniversaire. Pas du tout invités à l'anniversaire. D'où il y a Bedos. Non, en fait, je pense que c'était le seul bar où, ouvert dans leur quartier, et donc du coup, ils chopaient des bouteilles. Mm-hmm. Donc, le temps que le barman va chercher les bouteilles, moi je suis sur scène, un peu en élévation, et je vois vraiment Bedos et Trapenard se retourner comme ça. Et regardez le concert où moi je fais Babylone, la scène, il faut la nettoyer. Et Hidalgo, je devais faire les mêmes blagues qu'ici, hein, grosso merdo. Ça rimait, c'était assez. C'est génial. C'était drôle. Un petit peu nul. Je me rappelle que Natou, à cette soirée, elle a pris ta suite et elle a joué les deux mêmes notes pendant à peu près 20 minutes sur le clavier. C'est drôle. Elle faisait tin, tin, tin, tin, tin, et ouais, 20 minutes. Ça durait très longtemps. Attends, c'est fou parce qu'au Royaume du Web, elle faisait de la batterie, mais elle faisait tin, tin. Tain, pendant vraiment 5-10 minutes. Mais elle ouais. Elle a un univers. Pète au casque. Ouais, bien sûr. Ça reste une queen, mais elle a un pète au casque. Évidemment. Les amis, jeux, un shoot-out. On l'adore, on l'embrasse. J'ai j'ai envie de dire des cum shots de questions là, comme ça, des trucs très courts. Quelqu'un nous demande. Oh bah oh, ça va. C'est oh. Un gros porc. Ouais, je suis un gros porc. Quelqu'un nous demande. Alors on a avoué récemment que pendant le spectacle au Bataclan, c'était un faux pet de Yvick. Alors ça a créé un Yvick Gate parce que voilà. Pour situer, Yvick a pété dans un micro au Bataclan, mais c'était un faux pet. C'était un faux pet. Et du coup, les gens étaient très déçus. Pire que Denis Brognard. Voilà, là c'est. Ouais, les... ça, j'avoue, on a déçu les gens. Moi-même, j'étais très déçu. On a déçu les gens, mais quelqu'un demande. Qu'en est-il du solo de flûte? Et là, on peut rassurer les gens. Bien sûr que c'était un vrai solo de flûte. Le solo de flûte a été bossé par Adrien Méniel. Pas et du tout. mais c'était un vrai. Non, si j'avais bossé ça, ça aurait été vraiment triste. Question pour Alison. Peux-tu nous parler du film Forte, de ton rôle et de Melha qui a porté le projet? Alors, peut-être pas ton rôle, parce que j'ai peur qu'on spoil des trucs, mais qu'en est-il de ce film en tout cas? Ça sort en mars, c'est un film de Katia Leskovitch et Melha Bedia qui a écrit le scénario, dans lequel je joue sa meilleure amie. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui va découvrir sa féminité en s'inscrivant au pole dance. Elle souffre du regard des autres, machin, qui la juge pas assez féminine. Et je crois que c'est très drôle, je l'ai pas vu. Bah oui, bah tu finis, parce que tu as vu l'avant-première, mais tu finis le quotidien. Toujours plus tard, quotidien. Trop 21h30. Mais après, les films ils finissent tard. Hein, mais excusez-moi, je le dis parce qu'on se couche à pas d'heure maintenant. Bah n'importe quoi. Et je crois que Melha est super dedans. Bah écoute, c'est ça en mars, c'est ça? Ouais. Bon bah trop bien. Et il y a aussi Jonathan Cohen d'ailleurs aussi dedans qui vient souvent. Enfin, qui vient souvent, pas du tout, qui est venu qu'une fois. Mais quoi, qui est un ami de l'émission. Et il y a apparemment. Et Valérie Le Mercier. Tout à fait, une autre amie de l'émission. Et Ramzi Bedia. Autre amie de l'émission. Et c'est tout. Que 4 persos dans ce film, un peu décevant. Léopold, as-tu envie de jouer la comédie chez d'autres que dans ton petit monde à toi? Et est-ce que le cinéma est un projet? Ben oui, c'est oui. Un projet ou une envie? Ben une envie, évidemment, oui. Évidemment, comme beaucoup. Mais même sur d'autres chaînes, ça me plairait aussi. Ouais. Mais je le fais, ça m'arrive de temps en temps. Où t'as vu là récemment? Ouais. Si, mais dernièrement j'ai joué dans Gus de Jérémy Detlow. T'es très bien dedans, je tenais à te le dire. Bah t'es un chat, qu'est-ce que je te dis. Bah écoute, tu veux que je te dise que t'es un amour aussi. Non mais je vais faire mes griffes sur ce canapé alors. C'est comme ça que tu le prends. Voilà, des petites choses comme ça. Là, j'ai pas trop d'idées, mais voilà, ça m'arrive. Et cinéma, évidemment, oui. Mais tu écris aussi. Oui, oui, toutes mes vidéos, oui. T'écrire un projet à toi. Ouais, j'ai un projet de long métrage, mais bon, Cinoche, je mise pas trop dessus parce que bon. C'est l'heure d'y entrer. Voilà, enfin, genre, voilà, j'y pense même pas. Mais oui, oui, il faut y penser. On pense à un long métrage. On va commencer à travailler dessus, ouais. Trop bien. Je dis bien. Bon parce que je suis pas tout seul sur ma chaîne, bien évidemment. Sûr, bien sûr. Mais c'est, voilà. Et écrire pour d'autres, non? Pas un truc que t'as envie d'écrire pour toi? Alors moi, si je devais choisir entre acteur et auteur, je choisirais acteur. D'accord, oui, donc c'est pas un truc. Mais oui, si, pourquoi pas. Mais c'est bof. Écoute, c'est pas avec cette motivation que tu vas le faire. Oui, c'est vrai. Mais je mets pas de barrière, voilà. Okay, c'est très quoi bien. Le dernier film que t'as vu où tu t'es dit ça aurait pu ou dû être moi? Fast and Furious, je crois. C'est trop bien comme question. En tant que comédien? Ouais. Tu te dis, oh, je l'aurais bien fait celui-là. Le ventre mou, hein, de. Non, mais une petite musique. Ouais, je vais mettre un jingle, vous inquiétez pas. Mais là, un vieux film. Pas ouais. Récemment. Bah, je sais pas, ouais. Moi, j'aime bien Vincent Lacoste, moi. Ah. J'aime bien Vincent Lacoste. Il est beau gosse. Je sais pas, oui. Je pense qu'il est beau gosse. Mais non, ouais. Il a joué dans Les Beaux Gosses. Tu serais imaginé dans Les Beaux Gosses. Ah, putain, pardon. Ah, moi aussi, j'avais compris. Il est beau gosse. Il est devenu très beau gosse. Bah oui, il est beau jeune homme. Mais voilà, moi, c'est des rôles que j'aimerais bien faire. Ouais. Oui, le côté un peu loser au final. Ouais, voilà, t'aimes bien. Dans lequel je me retrouve. Loser sensible. Anne-Sophie, un très bon ami à moi rêve de faire du stand-up et il écrit énormément depuis quelques années, mais n'ose pas se lancer sur scène. Ai-je un rôle à jouer? Est-ce que toi, tu as des gens? C'est toi qui écris les questions, Florent, du coup. Non, c'est genre. Ah, pardon, moi. Est-ce que toi, t'as eu. Est-ce que t'as des gens qui, tes amis, t'ont poussé, t'ont aidé? Comment cette personne doit réagir selon toi? J'ai pas compris la question. En fait, quelqu'un nous raconte, oui, les gens donc envoient des questions. Ouais. Non, justement, c'est son ami à lui qui veut en faire. D'accord. Il ne sait pas comment le soutenir, comment le pousser à se lancer. Ah oui, mais alors il faut. Non, mais pourquoi je te dis ça? Fini, hein, je te rassure. Non. Mais pourquoi je te dis ça? C'est que moi, je voulais absolument pas jouer seule. J'écrivais pour des humoristes. Moi, j'étais comédienne, mais je ne voulais pas monter sur scène seule. Ça m'intéressait pas d'être toute seule. Et j'ai écrit un spectacle pour un humoriste. Et après son spectacle, il a pris, sans que je le sache, une date dans le théâtre où il a joué pour 7 mois après. Il me l'avait pas dit, c'était un théâtre en Suisse. Et il m'a annoncé après, il m'a dit, voilà, qu'est-ce que tu fais en avril, je ne sais plus de quelle année, c'était 2011, je crois. Et il me fait, bah, parce que le 17, tu joues ton spectacle au théâtre de Grenelle, donc c'est vers Lausanne, je crois. D'accord. Et voilà, j'avais plus le choix. Et j'ai tellement eu peur, j'ai détesté ce que j'ai ressenti et à ce moment-là. Jamais, t'avais écrit, mais t'avais jamais fait même des petites 5 minutes ou des... Non, enfin, alors... J'avais fait 2-3 trucs, mais si tu veux, je voulais pas être seule. Ouais, d'accord. Oui, voilà. T'avais joué avec d'autres gens. Oui, voilà, je faisais tout le temps les sketchs avec des autres. Moi, je voulais être comique troupière. Je voulais ma troupe des Romains des Bois. Je voulais trouver mes nuls à moi, voilà. Et puis, en fait, il m'a pris cette date. Et après, je me suis inscrite à un concours. Et il s'avère que je suis arrivée en finale de ce concours alors que j'avais 15 sketchs. Et c'était horrible. C'était horrible parce que je suis arrivée en finale. Je n'étais pas du tout prête. J'ai pris un bide monumental. Ah. Et donc, du coup, ça m'a traumatisée. Et je me suis dit, non, j'arrête. Il me dit, bah non, tu n'as pas le choix parce que tu joues en avril. Et voilà. Donc, je pense qu'il peut l'aider en lui en le piégeant. Mais non, mais en lui donnant une deadline parce qu'il y a tellement de gens qui se disent, j'ai envie de faire ça. Mais si tu n'es pas au pied du mur et si on ne t'oblige pas... Tu n'y vas jamais. Parce qu'en fait, tu ne seras jamais prêt. Ton spectacle, il ne sera jamais prêt. Ton 5 minutes, il ne sera jamais prêt. Donc, il faut y aller. Alors, faites-le comme moi, en secret, à l'étranger. Tu vois, comme ça, tu dis... Non, mais lui, il habite en Suisse. Ses copains sont venus dans la salle, etc. Et sinon, je ne l'aurais jamais fait, vraiment. J'en suis persuadée. Je me serais toujours trouvé des excuses parce que j'écrivais des trucs à côté. Ah ben non, je pars sur un autre projet. Voilà, sinon, je ne l'aurais jamais fait. C'est pas mal, c'est un très bon conseil. C'est un très bon conseil. Toujours dans les conseils, puisqu'on est un petit peu Doc et Diffoul, j'ai l'impression ici. quelqu'un nous dit : je rêve d'être actrice, mais les castings me terrifient. Et depuis l'épisode en live du Bataclan, je ne suis pas rassurée. Parce qu'on a parlé de le live qu'on a fait avec Adrien de Floodcast au Bataclan. On a parlé un peu de casting. Il y avait Poulpe et il y avait Adrien qui racontait que des fois ça se passait mal. Donc là, je pense que la personne fait référence à ça. Et est-ce que ça arrive qu'un casting se passe bien ? Mais ah bah, oui. Oui, évidemment. Mais est-ce que vous, vous avez... Moi, pas moi, mais... Non, mais je pense à... Non, en plus, si. En vrai, j'ai raconté mon pire casting. C'était, voilà. Mais y a des castings que j'ai pas eu, mais qui se sont très bien passés, quoi. Mais c'est... Et qui te font du bien, quand même, à l'ego. Oui, oui, non, mais même celui qui s'est très mal passé m'a fait du bien, parce que c'est, genre, c'est un exercice. Une leçon. C'est comme... Enfin, c'est pareil que... Qu'est-ce qui s'était passé, déjà, en quelque... La directrice du casting était horrible. Je pense que, clairement, elle avait pas du tout envie de me voir. Je pense que c'était limite, je pense qu'ils avaient déjà le rôle et genre moi j'étais là et ça la faisait chier. Elle était hyper désagréable, elle était horrible quoi. Enfin, bon, bref, ça s'était mal passé, mais oui, ça se passe évidemment que ça se passe bien parce qu'il y a des gens qui ont les rôles, donc pour eux ça s'est bien passé, bien sûr. Mais je pense que c'est vrai, en fait, c'est un exercice tellement particulier qu'il faut le faire et tu t'as guéri en le faisant quoi. Et comédien, j'ai l'impression, moi je suis pas acteur, et j'en ai pas fait énormément en plus, mais clairement tu sens que c'est un truc, le tout premier t'es tétanisé et puis ça, petit à petit t'es de plus en plus à l'aise quoi. Les comédiens, j'ai l'impression qu'il y a un truc où ça a l'air d'être un peu leur exercice qu'ils aiment le moins, je me trompe ou... C'est un exercice hyper violent, c'est bizarre, c'est-à-dire que la règle c'est que tu n'es pas pris et l'exception t'es choisi. Ouais, voilà. Mais toi voilà, tu te dis quand tu commences que parce qu'il faut, parce que t'as la dalle, parce que tu dois bosser, tu dois gagner ta vie, il faut que j'ai ce rôle, c'est évident. Et plus t'y vas dans cette optique-là, plus tu te donnes les chances de bien travailler, préparer, mais tu te fais super mal en fait. Ouais. Donc faut aussi, enfin, plus tu en fais et moins ça fait mal. Et quand tu grandis, t'es un peu fataliste quoi. Il y a un casting, toi, de ton côté, qui s'est mal passé une fois, un truc Tout le temps. Enfin, ça se passe. Il y a toujours des trucs parce que t'es tellement vulnérable. Tu prépares ton truc, tu le prépares super bien et puis tu passes 3 minutes, tu fais ouais, j'ai travaillé 3 semaines en fait. Tu vas me recevoir plus de 5 minutes, je te le dis. Parce qu'ils disent oui, c'est bon, merci. Tu fais ok, donc dans sa tête, c'est mort. Ouais. Ça, c'est blessant. Ou quelqu'un qui t'écoute pas. T'as le sketch d'Alexus qui est super drôle. Il fait le directeur des castings qui est nerveux. Tu sais, qui est super drôle. C'est hyper réaliste. Et t'as dernièrement, il y a quand même quelqu'un qui m'a fait une phase exceptionnelle, mais qui voulait être hyper gentil. Il me fait ah machin. D'ailleurs, il me dit tu ressembles à Barbara Streisand, etc. Hyper sympa. Et son assistante qui fait non mais moi j'aime bien son nez. Hein. Et donc je fais oui très bien. Et elle fait non mais regarde Depardieu, la carrière qu'il a. Là, j'ai fait what. Et qui est basée uniquement sur son nez, la carrière de Depardieu. Ouais, ouais. Et je me suis dit, c'est fou ce qu'elle peut dire. Là, elle ne rattrapera jamais le. Et elle a continué à s'enterrer. Je n'ai rien dit pour écouter jusqu'où ça allait. C'était hyper drôle. Et du coup, tu te rends compte que les gens, des fois, pensent à voix haute en te regardant. Ah, mais ils se disent plus, c'est un humain. Et après, j'ai absolument pas mal pris le truc, mais tu vois, je me suis quand même dit, si j'avais 5-6 ans de moins, je serais rentrée en dépression chez moi parce que. Ça a pu me complexer par des temps passés. Immémoriaux. Immémoriaux. Et par exemple, le casting, le film qui sort en mars, t'as fait un casting ou on t'a proposé directement? Alors c'est un peu les deux, c'est-à-dire que Melha m'en avait parlé quand elle avait écrit, mais elle savait pas trop ce qu'elle voulait. Et j'ai passé des essais et après elle m'a plus calculé pendant 2 mois parce qu'elle savait pas. Donc ah après, ouais, c'était très drôle. Et c'est vrai que ça arrive des fois, tu as envie de gens sur tes projets, mais tu dois quand même faire passer des essais parce que ça ne concerne pas que le réalisateur, ça concerne. Et c'est dur de faire passer des potes en casting. Ouais. Et quand elle m'a fait passer mon casting. Elle était. Enfin, je me suis dit, moi, c'est hyper gênant pour moi. Mais c'est elle qui était tellement gênée qu'elle me sabotait mon truc, tu vois. Elle baissait les yeux, elle faisait des vannes, elle me sortait tout le temps du truc. Par contre, barre-toi et laisse-moi faire avec la directrice. Parce que... Et toi, Anne-Sophie, t'as fait aussi des castings? J'ai fait tellement de castings. Alors, malheureusement, pas pour des films ou des séries, parce que malheureusement, je passe pas assez de castings. Bah, t'es dans des films et des séries, quand même. Oui, t'es jamais content. Ouais, j'aimerais trop être dans vachement plus de trucs. Non, c'est que j'ai vécu de la pub pendant 7 ans. Il y a eu une petite moue d'Adrien Meynell. C'est déjà pas mal. Il y a eu un Danny Boone. Non, mais j'aimerais tout le temps tourner comme tous les comédiens qui sont là, tu vois. Non, c'est que j'ai vécu de la pub pendant 7 ans. Donc j'étais une machine de casting. Je sais pas, j'ai passé un millier de castings. T'as fait quoi comme pub? J'ai fait 37 pubs télé. Sérieux? Donc j'ai même pas. J'étais dans toutes les pubs. Mais on me reconnaît jamais. Mais moi. Non, mais j'ai tout fait, vraiment. Et certaines dont je ne suis pas très fière. Mais, et du coup. Daesh, elle a fait une pub en Daesh. Non, mais j'ai fait une pub en allemand que j'ai tournée en Afrique du Sud. Mais ça, c'est une expérience un peu. Non, mais ça, c'était génial. Non, parce qu'on s'est fait insulter par un réalisateur fou là-bas. On s'est fait insulter. C'était. Et donc, j'ai vécu à peu près une accumulation d'humiliations, mais qui sont folles. Et surtout, quand Alison dit, il parle comme si tu n'étais pas là. Et il te... Ça a l'air que moi, par exemple, il venait à chaque fois, il mettait la main de... tu sais, au niveau de la lumière. Bon, là, c'est visuel, on le voit pas. Il était là, non, mais avec des cernes comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? On pourra pas. Hein. Oh là là. Ça, c'est pas possible. Oui. C'est incroyable. Non, puis Anne-Sophie, le problème, c'est que t'es ni très belle, ni très moche. Donc, oh là là. Mais ah, des trucs. Elle a dit ni très moche. Et une accumulation. Et vraiment, par contre, on ne se blinde jamais. Et moi, je rentrais, je pleurais. Oh. Voilà. Je pleurais. Bah et... oui. Mais bon, tu, après, tu arrives, tu fais ton casting. Bon, c'est de la pub, donc tu la mets pub, moins d'enjeux. Ouais, mais c'est ultra dur parce que c'est très. Ils te voient froidement comme un. Ah, c'est cut. C'est pour ça que je te dis machine. Ouais, pas. Vraiment. Un présentoir. Et inversement, quand tu le réussis, est-ce qu'il y a un truc de champagne ou c'est juste genre, bon, bah. Cool. Non, c'est pas dans le même niveau. Vraiment, la pub, c'est que pour l'argent. La pub, ce n'est pas passion pour le produit. Donc, c'est juste, tu fais tes calculs et tu dis, ok, c'est cool, là, pendant 2 mois, je vais être tranquille. C'est juste ça, en fait. Non, mais pour les autres projets, quand tu réussis un casting pour du cinéma ou de la télévision, est-ce qu'il y a un truc de... Moi, je suis très pessimiste. C'est-à-dire que je sors de la salle et je suis convaincue que je ne l'ai pas. D'accord. Et j'accepte le fait que je ne l'ai pas. Et par contre, j'ai fait mon travail. Donc, à chaque fois que je l'ai, c'est une bonne surprise. Ouais. Mais j'ai commencé mon travail de deuil avant. D'accord. Ouais. C'est vrai qu'il y a un vrai truc de deuil. Ouais. Mais faire passer des castings, moi je l'ai pas fait beaucoup, mais c'est difficile aussi. Moi j'ai fait passer des castings pour des trucs que j'ai réalisés. Et c'est vrai que t'as aussi ce truc mais, où tu dois faire un espèce de jeu, mais que moi je trouve obligatoire. Mais que des fois, moi j'ai fait un casting avec un directeur de casting qu'on avait fait beaucoup. Moi c'était genre mon deuxième ou troisième casting. Donc tu sais, t'es un peu encore protecteur avec les acteurs. T'es genre putain, c'est cool, ils viennent. Tu moi, les dirigeais. Ouais, c'est ça. Bah, pas pour la première prise, mais il y avait un truc de. Putain, c'est cool. En fait, le fait qu'il y ait plein de gens qui passent des essais pour mon truc, il y a un truc très glorifiant de. Ouais. T'as l'impression, alors que des fois c'est juste des gens qui veulent travailler, de. T'as, il y a plein de gens qui veulent faire mon truc, hein, parce que ça doit être tellement bien qu'il y a plein d'acteurs et d'actrices qui ont envie, quoi. Et donc on fait passer des essais. Et moi j'ai un directeur de casting beaucoup plus justement froid avec ça, qu'on a tellement fait, vu que c'est un directeur de casting qui des fois fait des vannes de la personne sort et fait. Bon, j'ai l'impression qu'on l'a pas, tu vois, des trucs comme ça, et tu fais. Oh, c'est dur quand même, parce qu'elle. Ça c'est nul, hein, petit tech, genre qui fait des comparaisons, genre. Eh ben dis donc, Micheline Dax, on a l'impression que tu fais oui, on sait, machin et tout, bon bref. Et mais c'est vrai qu'il y a aussi des trucs où la personne commence son casting et tu fais bon bah ce ne sera pas cette personne. Ouais, tu le sais. Et c'est vrai que t'as un peu un truc d'entre deux de est-ce que je joue le jeu parce que c'est horrible si elle se casse direct et en même temps si elle se casse direct au moins elle sait que c'est dead quoi, il y a un peu un truc de souffrance. C'est ça donc c'est et je ne suis toujours pas je ne sais toujours pas ce qu'elle alors en gros la règle non mais vraiment non, mais ça m'intéresse pour pas froisser les gens deux prises. Parce qu'en gros, ah ben ça, c'est obligé. Non mais ouais. Même tu dis que de toute façon tu ne fais que deux prises. Ah, tu lui dis oui. Ah, nous on reste sur deux prises, c'est très bien. On a ce qu'on. Alors à chaque fois c'est on a ce qu'on veut. Ouais. Tu vois et comme ça la personne n'est pas blessée. Tu lui dis ouais, que mais tu des es fois t'as besoin de plus que deux prises. Un mais peu, tu quand sais même. Déjà ah non mais moi je te parlais ah, oui, pour les gens sais. Que oui, tu pardon, sais. Oui d'accord voilà. Ok. Oui c'est vrai. Non parce que c'est horrible. Attends mais toi tu dis oui tout le temps mais non dans la pub tu faisais bonjour, il faisait ok alors on va passer à la suivante et t'avais même pas ouais. il te laissait même pas finir ta phrase alors que c'est une phrase. Laisse-la finir, fais-lui. Franchement. Elle a payé son ticket de métro. Ouais, elle peut rester jusqu'à la fin. Non, mais tu vois des trucs horribles en casting. Des gens qui mettent tellement d'enjeux. J'ai vu des gens, tu sais, genre qui font des prières, qui se mettent dans des états pas possibles, dans les loges. Ils se mettent, qui appellent leur mère avant pour dire oh non, je passe maintenant. Alors que c'est un casting pour des cornichons, tu vois. Ouais. Et alors, c'est pas. Voilà. Non, mais bien je sûr. Je l'ai fait, bien sûr. Mais ils mettent tellement d'enjeux que tu dis putain, laisse-lui au moins deux prières. Et fait au moins semblant que c'était cool sans la laisser espérer, c'est à jauger. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a ce truc. Moi j'avais le. Tu sais, tu vois les comédiens qui. Parce qu'un comédien c'est aussi un juge de ce qu'il fait et il y a un truc de. Non, je peux vous la refaire, hein, je peux vous la refaire. Hein, et je fais oui, bah vas-y, celle-là, sens-toi libre, c'est le bon, tu fais, je sais pas quoi ça faire. Ça change rien du tout. Ouais, c'est ça, tu dis, moi je peux la refaire en vrai, et tu dis oui, bah on va te laisser la refaire, mais c'est un peu dead maintenant. C'est assez dur, c'est assez dur. Mais j'ai l'impression que c'est la dure loi du métier. Ouais, alors, on va pas changer le monde. Hein. On va terminer très vite avec les recommandations culturelles. Des trucs que vous avez appréciés récemment dans le domaine artistique. Alors c'est pas forcément des trucs qui viennent de sortir, ça peut être des trucs où vous dites là j'ai envie de le conseiller aux gens. Alors moi en l'occurrence je vais commencer, je vais aller très vite parce que c'est en ce moment en salle, c'est le film La Belle Époque. On en parlait de Nicolas Bedos. Ah t'as aimé, je suis pas allé le voir encore. Moi j'ai beaucoup aimé, j'aurais pu le citer également. Genre j'ai trouvé ça très chouette. Alors j'ai des réserves sur des mini trucs, mais en vrai de vrai ça m'a fait vraiment plaisir que ce film existe parce que bah, c'est du cinéma, c'est à dire que je trouve ça beau, je trouve qu'il y a une histoire original, je trouve qu'il y a des comédiens qui jouent, je trouve ça drôle quand ça doit être drôle et émouvant quand ça doit être émouvant Et voilà, alors après, si vous aimez pas du tout le style de Bedos, de Nicolas Bedos, bon, y allez pas, je pense, vraiment. Parce que c'est un peu comme Adelman à ce niveau-là, dans son premier film, à savoir, bah, tu sens qu'il parle beaucoup de lui. Mais moi, j'aime toujours que les artistes parlent beaucoup d'eux, donc ça m'a plutôt touché. Alors, je connais pas très bien ses derniers films, mais j'ai un peu redécouvert Daniel Auteuil, tu vois. J'avais un truc un peu de putain, mais c'est vraiment il est très fort, Daniel Auteuil, en fait. Fanny Ardant, moi je suis méga fan, donc je suis toujours content. Dans les Tilly, elle est chambée. Enfin bref, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Je pense que c'est un de mes films français préférés de cette année. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment très très très bien. Donc s'il passe près de chez vous, mais je crois qu'il marche bien, il n'y a pas besoin potentiellement de faire de la pub, mais je vous conseille ce film. Ouais, je trouve il est à 500 000 chouette. Entrées là. C'est ça ? Première semaine, 500 000. Et, bah, wow. Et c'est très bien parce que son premier film. Adelman, ouais. Voilà, il a fait 300 000 entrées au total. Mais parce qu'Adelman, il n'y avait pas de resta sur l'affiche, tu vois. C'est JP Box Office, c'est Léopold hein, qui tient le site. Non, mais c'était lui et Doria Tillier. Et là, t'as Daniel Auteuil, t'as Fanny Ardant, t'as Guillaume Canet, t'as un truc un peu plus fan. Bien sûr. Mais justement, c'est plutôt cool. Mais le scénario est risqué, je trouve. C'est assez risqué. C'est assez casse-gueule, mais c'est très bien fait. C'est ça. Effectivement, c'est ça. Il y a des trois petits trucs, bon. Mais. Puis l'audace du truc fait plaisir. Bah ouais, grave. C'est comme Mon Inconnu, ça m'a fait ça cette année aussi. Je fais, ah, c'est cool qu'on propose quand même des trucs un peu comme carrément. Ça. Ça fait plaisir, quoi. On se demande, c'est cool de donner de la thune à ça, quoi. Des pitchs de films presque américains, ça fait plaisir d'avoir dans des films français, quoi. Et le ton reste quand même très français. Adrien Méniel ? Oui, alors moi, j'ai regardé les deux premiers épisodes de la mini-série L'effondrement des Parasites. Et j'avais raté l'avant-première et j'en avais entendu beaucoup parler et c'est vraiment vraiment bien quoi. C'est vraiment très bien. Donc pour le pitch en gros, c'est que ça parle de après une suite à une crise économique, la société en gros s'effondre française quoi. Donc tout est rationné, c'est la merde partout, etc. Et donc c'est des épisodes de 20 minutes. Il y en a 8 je crois. Enfin je veux pas dire de conneries, mais il y en a peu. Enfin c'est une mini-série quoi. Et tout est en chaque épisode est un plan séquence en fait. Ah ouais. Ce qui moi souvent j'ai un a priori sur les trucs où on dit c'est un plan séquence parce que j'ai un peu tendance à oui bon enfin c'est un prouesse technique mais je m'en branle. Et alors qu'est-ce que ça te fait pour citer mais Shipe. Voilà mais là et c'est ce que je c'est ce que je pressentais vu le thème avant de le voir et c'est effectivement ce que j'ai ressenti. C'est que ça te met dedans de ouf. Il y a un côté pas de répit en fait. Oui, pardon. Tout, t'es toujours dans le truc. Il y a toujours une pression permanente et tout, ce qui est complètement adapté au thème. Et donc ça marche hyper bien. C'est hyper bien réalisé. Ça joue très bien. Enfin, tout le monde joue bien. Enfin, c'est vraiment très bien. J'ai vu que les deux premiers épisodes. J'ai hâte de voir la suite. C'est sur quoi ? Alors, c'est sur Canal+. On peut voir tous les épisodes. Il y a un épisode par mois sur YouTube et sinon il y a tous les épisodes sur MyCanal. L'appli. Que j'ai la chance d'être abonné, donc je vais pouvoir tout regarder. Mais c'est vraiment bien. Voilà. Et mon autre recommandation, qui n'est pas une recommandation, mais une petite astuce de vie. Non, mais en vrai. T'as pas un jingle truc astuce. Les astuces d'Adrien. Le Nutella, vous le mettez sur le chauffage, il devient mou. Bah, c'est quand même cool. Bah, écoutez, c'est tout bête, c'est juste que j'ai pris un train de Caen pour venir aujourd'hui. On représente. Ah, bah, tu viens de Caen, d'accord. Bah écoute, voilà, fait, bah, j'en ai pris pas mal là. Pas du tout. Parce que je suis à un tournage en Normandie. Et non, j'ai pris un Caen Paris, pas le Perrault, hein. Le Caen Paris, le train. Le Caen Paris, vous connaissez ou pas? Oui. Okay. Bon, non, c'est juste qu'on rit pas parce que c'était pas drôle. C'est tout. Hein. non, et en fait, sur l'appli SNCF, tu fais une recherche de ton train et tu peux voir les places qui ne sont pas réservées. Mais bordel. Et du coup, tu peux aller t'asseoir tranquille. Tu repères deux places qui ne sont pas réservées et tu vas t'asseoir tranquille. Voilà. Pour moi, ça a changé ma vie. Pour voilà, faire quoi? Non, mais tu vois, genre, t'es dans un train, t'es à côté, t'as envie d'être tout seul. Mais même, moi, j'aime bien être tout seul. Du coup, j'ai regardé. Il y avait deux places. En fait, tout le reste du wagon était pas réservé. Donc, je suis allé me mettre tranquille tout seul. C'était génial. Il s'est fait un foot. C'est une belle astuce. Voilà, très belle astuce pour les introvertis et les asociaux qui nous écoutent. Big up aux introvertis. En grand nombre. Alison Villers. Oui, moi, j'ai dernièrement regardé une série qui m'a beaucoup plu qui s'appelle Mytho sur Arte avec Marina Hans. et plein d'acteurs incroyables. C'est l'histoire d'une femme qui est submergée dans sa vie par des enfants avec qui c'est un peu conflictuel, un mariage qui est pas ouf et qui s'enlise dans un mensonge autour de... Elle s'invente un cancer et attire tout d'un coup l'attention de tous les gens autour d'elle et elle s'enfonce dans ce mensonge et ça fait un peu penser un peu dans l'histoire à Breaking Bad, dans ce truc qui ne s'arrête jamais, tu sais que ça va finir vraiment pas bien et c'est vraiment c'est, ça faisait longtemps que j'avais pas regardé une série française où je rentre dedans et je me dis pas c'est français ça, je me dis wow, c'est trop bien et ça joue très bien, c'est très juste et c'est très drôle. Oui, c'est ce que j'allais dire, en plus c'est une comédie. Comédie, voilà. C'est hyper léger sur la charge mentale, sur, ouais, sur l'amour. Trop bien. Sur, On peut voir ça où? Arte, je crois. Alors ce qui est chiant, c'est qu'ils ont enlevé les épisodes en replay, il faut les acheter. Ah, et ils seront, je crois, plus tard sur Netflix. Ah, peut-être. D'accord. Donc ça vaut le coup d'attendre pour les voir. En attendant, le téléchargement illégal. On va se dire petit français, on va essayer de soutenir. Non, mais bien sûr. Voilà. Très bien, Anne-Sophie. Oui, moi c'est une BD de Fab Caro. Ah, évidemment. Vous en avez déjà parlé de Formica. Je l'ai recommandé la semaine dernière. Mais tu peux quand même la recommander. Oui, ou les autres. Hein. Bon, surtout ma préférée, moi, c'est Zai. J'en rajoute. C'est Zai Zai. Il n'y en a jamais assez. Voilà. Et j'ai adoré celle-ci. J'adore ce qu'il fait. Et surtout, j'ai eu un choc la première fois que j'ai ouvert une BD de Fab Caro en me disant mais oui, c'est ça. C'est cet humour-là qui me fait rire. Et tu sais, où tu sens que cette personne. Enfin, tu vois, qu'on est connecté. Voilà. Ouais. Donc, j'avais jamais. Enfin, je suis pas très féru de BD. J'y connais pas grand-chose. Oh, Astérix quand même. Non. Ah non, ouais. Non. J'ai tenté. Tout le monde n'a pas mis une disquette à la BD. Moi, j'en ai mis plusieurs, mais bon, oui, bien sûr. Non, mais là, je me suis dit, merde, c'est tellement drôle, en fait. Enfin, je sais pas, tout le monde connaît. Ouais, moi, j'ai découvert récemment, et j'adore aussi. C'est génial. C'est très, très drôle. Il est beaucoup adapté maintenant. Alors, il y a le film qui est en train de se tourner à Montpellier, là. Ouais, Zai Zai Zai. Aussi, ils ont un programme court. Ouais, c'est ça, un programme court sur Click. Ouais, non, il y a plein de choses. Bah, c'est un peu l'auteur tendance du moment. Oui, mais je me demande comment faire un film. Ouais, ouais, bah, on va voir. Alors, Zai Zai Zai Zai Zai. Il y a une histoire, mais c'est tellement absurde. C'est tellement des sketchs en fait. Enfin, c'est tellement découpé que je. Oui. Moi aussi, j'ai du mal à voir ce que ça va donner en film. Ouais, quoi. Bah, ouais. Peut-être des tableaux. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Je suis très curieuse. C'est Jean-Paul Rouve, je crois, en tout cas, qui joue le personnage. Ouais, ouais, ouais. Donc, quelqu'un qui quand même connaît l'absurde avec les Robins, les. Oui. Et c'est réalisé par Pitoff, qui a fait. Vidocq. Qui a fait Vidocq. Vidocq et Catwoman. Bien sûr. Évidemment. Donc voilà. Qui est dans le costume du tigre, d'ailleurs, dans Massinger. Très bien, et bah écoute. Voilà. Ouais, je vous conseille d'ailleurs l'interview de Fab Caro, chez qui? Chez Augustin Trapenard. C'est vrai. Il a fait une interview très intéressante d'une heure. C'est pour ça que j'adore Boomerang. Léopold. Non, mais c'est les frises. Attends, bah, il est par où? Ah, voilà. Il a fait une super interview d'une heure très intéressante avec Augustin Trapenard. Et il a écrit un roman aussi que je viens de recevoir. Ah, voilà. Le discours. Oui, voilà qui. Enfin, j'ai alors, pas commencé. Qui est autre chose, hein. Qui est complètement autre chose, différent. Mais qui est assez chouette. Et même je vous conseille, vu qu'on est parti dans Fab Caro. Ouais. Moi, parce que j'ai lu le bouquin et comme d'hab, même les très bons bouquins, au bout de la moitié, j'en peux plus. Alors, j'ai trouvé ça génial, hein. Mais mon cerveau en a marre. Je l'ai fini en livre audio parce que le livre audio est raconté par Alain Chabat. Oh non. Et donc du coup c'est non, assez agréable. C'est génial. Parti, bah voilà, c'est bah Alain voilà, Chabat c'est qui raconte une histoire pendant 10 heures, tu vois, parce que c'est un gros bouquin. T'écoutes ça quand tes livres audio dans le métro. Dans le métro, ouais. Quand je vais au sport, pas la trop. Vaisselle. Ouais, quand je fais la vaisselle, tous ces trucs-là. Putain, j'ai le même problème que toi. J'arrive pas à finir les livres. En fait, c'est horrible. Je n'arrive à lire chier. Que les biographies des gens que je connais déjà. C'est horrible. Moi aussi, j'ai ce truc-là. J'ai besoin de savoir qu'ils ont vécu des choses et que c'est vrai. C'est ouais. Ça. Et que par contre, et moi, j'ai besoin, même je te dis, de connaître un peu le gars. Genre, ok, il a fait tel film. Et là, on me dit, oui, mais pourquoi il a fait tel film? Eh bien, parce qu'en fait, quand il était enfant, et je fais, ah, c'est trop bien. Ouais. J'aime beaucoup ça. Mais j'ai du mal. Les romans, je ne lis pas de romans. Au grand. Bah non, des enquêtes. Pareil. Non, j'y arrive pas. Moi, on m'invite à lire des livres, et à chaque fois, je les lis, mais c'est de la merde. Qui t'invite à lire des livres? À des soirées lecture? Non, mais. Parce que souvent, vu que je trouve que je lis pas beaucoup, je demande aux gens, bah, faites-moi lire. Oui, conseillez-moi des trucs. Voilà, conseillez-moi des choses, et je les lis, je me dis, mais c'est chiant. Oui, c'est chiant. Par contre, non, on m'a conseillé Caro, je sais plus le nom. Fab. Mais Caro, je sais plus le nom d'auteur, c'est affreux. Ah mais oui, Caroussac. Pardon. Les bonbons. Tu vois? Steve Carew. Oui, non, mais c'est Carew, c'est un homme complètement misanthrope. Oui, oui, très cynique. Exactement. Malade. J'ai commencé à le lire. Excusez-moi, j'ai une question. Est-ce que c'est un loup, Carew? Non. Non, non, c'est un humain. Et donc, et donc j'ai commencé comme toi ce bouquin et c'est très bien pour le moment. Donc je vais le finir. Est-ce que c'est ton conseil? Non. Quel est ton conseil? Cars. Bah non, parce que je l'ai pas fini, donc ça se trouve non. Je vous conseille de tout cœur une série Caroline qui est sur YouTube, qui vient de commencer. C'est la saison 2. C'est Genre Humain. Ah, et le Norcos. Bien sûr. Je suis allé hier soir à l'avant-première. Tu fais croquer les serrettes et en même temps, c'est voilà. Écoute, j'ai un cœur, j'ai le cœur sur la main. Je peux pas te dire mieux. Et donc la saison 2 sort au compte-gouttes là. Le premier épisode est sorti. Il est extrêmement touchant, c'est drôle, c'est bien écrit, ça joue partout bien. Donc voilà, ça sort toutes les semaines sur la chaîne de Eleanor Coste. C'est du plan séquence, mais dans un tout autre style. Voilà, voilà. Clairement, ouais. Mais ouais, c'est du. Il y a des trucs qui sont assez durs, mais ça reste. Le fil rouge, ça reste quand même l'humour, je trouve. Bah, c'est vraiment le ton d'Eleanor, c'est-à-dire que je trouve qu'elle a, elle est arrivée, alors c'est bizarre à dire parce que c'est vraiment notre pote, mais elle a atteint une espèce de maturité dans l'écriture et même dans le jeu, qui en fait, c'est ce qu'elle propose depuis 5 ans, sauf que là. C'est son. Ouais, elle a atteint une maîtrise de son truc qui est vraiment cool. Bah, elle passait des topos de Lolo à Genre Humain et c'est genre. Et vraiment là, elle passe du bac à sable à masterclass quasiment. Tu vois, genre Humain. Genre Humain. Genre Humain, ouais, c'est très très bien. Je crois que c'était un monsieur qui s'appelait Genre Humain. Non. Tu sais ? Non, la série humaine. Ok. Non, c'est cool, il y a la saison 1 et la saison 2 apparemment. Alors moi j'ai vu du coup que le premier épisode, mais la saison 2 est encore au-dessus apparemment. Ouais. T'étais à la Projo ? Ouais, j'y suis allé. Il paraît que Carlito a une. Parce que Carlito joue dedans, Raphaël Carly, paraît qu'il a un épisode magnifique. Il joue très très bien. Il joue très très très bien. De voir mais il joue pas assez, c'est con, parce que ce mec-là, il joue très très très très bien. Il a 17 projets, malheureusement. Ouais, mais, ouais. mais non, mais c'est vrai que c'est pareil. Moi, c'est pareil. Dans les 10 aussi, je le trouve trop bien, Raph. Et c'est vraiment un bon acteur. Et j'espère qu'il lâchera pas ce truc-là, parce qu'il est vraiment très doué. Et deuxième reco, si je peux me permettre. Mais permets-toi. Je me permets, mais t'es un ange. Je vous recommande. Si vous avez. C'est quoi, à ton avis? Ah bah c'est oui c'est oui bien sûr c'est ça. Bras, c'est ça qui brillait, c'était la sueur. je vous recommande si alors moi mon film préféré c'est Y a-t-il un pilote dans l'avion? Oh bien sûr bravo. Évidemment. Et c'était de la peur mais là on parle de Y a-t-il un pilote dans l'avion. Zaï. Nelson a fait une série qui s'appelle Police Squad qui est pas du tout connue. Oui. Que vraiment personne ne connaît et qui est superbe, il y a qu'une saison. Ça a pas marché. Mais c'est super, donc tapez Police Squad sur internet et vous trouverez. C'est l'équipe de Zaz avec Leslie Nielsen toujours. Bien sûr. Voilà, sache que c'est la bible de Vincent Tyrell. Quand on parle avec Vincent Tyrell de Crawler, putain, attends, ça va me revenir. Donc voilà, j'espère que ça va revenir. Je suis en train de conclure l'émission. Il y a une série récente produite par, entre autres, Steve Carell dans l'esprit Zaz un peu là. Zaz. Une série policière. Ah ouais, Zaz. Non, putain. ça va arriver. Mais là, je vais me mettre au revoir. T'en avais pas dit, Ah, c'est bon, oui, c'est vrai. Écoutez, on va conclure cette émission parce que ça y est. Angie Tribeca. Ah oui, il paraît que c'est très bien. Oui, c'est avec Rashida Jones. Ok. Et c'est un peu dans l'esprit Zaz aussi. Il y a des blagues. Trop bien. Enfin, c'est. Voilà. Très, très bien. Petit tour de table pour dire au revoir à tout le monde. Merci déjà beaucoup d'être venu. C'est trop bien. Bah, merci à vous. Très bonne émission, je suis ravi. Alison Wheeler, où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc quotidien. Quotidien, deux fois par semaine, le lundi et le mercredi. Exactement. Et mon livre qui est sorti là aujourd'hui. Et qui est disponible où? Enfin, pas aujourd'hui, le jour où ils vont écouter. Bah, un peu après, mais à partir du moment où ils l'écoutent aujourd'hui, ils peuvent le trouver en FNAC et en librairie. J'aimerais ne pas mentir aux gens. Ça s'appelle Ma vie est mieux que la vôtre et c'est disponible en librairie. Tu fais une tournée? Ouais, je vais aller en dédicace, mais du coup, je sais plus quelle date c'est. Cannes et Nice, et j'ai d'autres dates de prévues que j'ai pas. Le monde de la dédicace, toi, t'as dû bien connaître. Jamais. Ah non. On n'a pas fait tes dédicaces. Ah, sur Skyrock, ouais, t'as pas fait des dédicaces. Non, mais on est un peu casanières. À tout le lycée, Jules Geoffrin. Non, pardon, c'est une anecdote nulle, je sais pas si on a le temps. J'ai fait une seule dédicace au Forum des Halles. Et ils avaient mis des barrières et il y a eu peut-être 4 personnes et on a mis 2 gardes du corps, je vous jure, et j'ai pris les plus gros fous rires de ma vie. Et les gardes du corps nous ont acheté un livre. Je vous jure que c'est vrai, c'est triste. Et en même temps, je suis tellement heureuse d'avoir vécu ce moment et de pouvoir le raconter à chaque fois. Un mal pour un bien. Et donc au cinéma, c'est Forte. En mars. Un mal pour un bien, j'ai adoré. Forte en mars. Français. Oui. J'ai même pas la date. Non, mais et d'autres projets en idée. Oui, quotidien, ça te prend quand même pas mal de temps. Oui, mais... beaucoup de temps. Bah, je vais commencer le tournage d'un film de Christopher Thompson, mais du coup, ça n'a pas commencé encore. D'accord. Bah, wow. Super. Trop bonne nouvelle. Anne-Sophie ? Oui, j'ai le podcast sur Deezer avec ma sœur jumelle, voilà, qui arrive. Dérivé donc du coup de la femme. On l'a appelé le podcast parfait parce qu'on n'est pas du tout imaginatif sur les titres. Et du coup, oui, pas du tout d'actu brûlante et pas du tout d'actualité de façon décalée. Voilà. Non, c'est vraiment des questions qui sont très importantes comme nous, pour nous, pardon, comme nous. Oh, lapsus. Non, c'est par exemple, là on a fait un épisode sur est-ce que tous les ex sont des psychopathes, voilà, comment réagir devant un bébé lait. c'est deux questions qui sont comme ça, très importantes. Déjà drôle, juste le thème. Et est-ce que tu sais quand c'est disponible sur Deezer ? Alors, ça sera toutes les semaines, ça apparaîtra le jeudi, ça apparaîtra le 18 décembre. Ah, d'accord. Et à chaque fois, il y a des copains. Donc, on a eu Pélin Bagieux, on a Monsieur Poulpe qui arrive, et on a Tristan Lopin, plein d'autres surprises, et c'est cool. C'est des copains, c'est rigolo. Rien, pas nous. Non, pas nous. Pas non, encore. Des copains. Oh, on attend d'être signé. Léopold, toi, tu viens de sortir j'ai envie de dire la conclusion finale. Ouais, de la saga. C'est la conclusion, c'est final généralement. C'est oui. Ouais, ça se tient. Non, mais c'est vrai qu'il laisse rien passer. En même temps, c'est pour ça que je l'adore. Il me recadre. Tout simplement. je suis un petit tableau et puis il me recadre. Voilà. C'est le dernier épisode de Gérald qui est sorti. C'est pas le dernier. Enfin, c'est le dernier. Mais il y aura une petite vidéo bonus qui va promouvoir la BD qui sort le 23 janvier. La bande dessinée de Gérald. Ça arrive. Exactement. Lourd, j'ai l'impression. Donc, ouais, ça arrive lourd. Et je sais pas si je vais faire une FAQ ou une fausse interview de Gérald, mais bref, je prépare un truc. Et donc, la BD sort le 23 janvier aux éditions Michel Laffont à un prix, la modique somme de 10 euros, je crois. Oh, ça va? Oui, j'ai demandé que ce soit pas cher. Ah putain, que ce soit accessible. Pour pas toucher d'argent. Et puis en vrai, dans tous les cas, je pense pas me faire des milliers de cents avec ça. Donc je me suis dit, autant faire pas cher pour les gens. Et puis voilà. Effectivement, dans ta main, là je le vois, il y a un cœur. Tout simplement. Ah, mais c'est ça que je me disais aussi. C'est super lourd. Et tu comptes faire aussi, peut-être tourner de dédicaces ou un truc comme ça? Ouais, c'est prévu, ouais. Non, j'aurais bien aimé que tu barres à 10 balles, qu'ils aillent se faire foutre. Non, petite tournée de dédicaces et tout. Ouais, c'est prévu. C'est prévu, évidemment. Chambé. Et toi, Adrien, tu vas bientôt terminer le tournage là? Oui, bientôt, fin de tournage. Et puis, sinon, toujours Derby Girl qui sort en mars normalement. Ah, ça a l'air bien. Ah, trop bien. Ouais, où j'ai un petit rôle. On m'en a parlé. En fait, c'est bien, c'est que a priori, les deux séries sortent en même temps. Oui. Et je pourrais pas avoir des rôles plus différents dans les deux, vraiment, c'est deux personnages complètement différents. T'es Daniel Day-Lewis pour moi, qu'est-ce que je te dis? Un peu. C'est ce qu'on dit sur le tournage, c'est moi qui le dis. je suis content, j'ai hâte que les gens voient que je fais des trucs. Et Adrien et Anne-Sophie, vous aviez travaillé il y a quelques temps ensemble sur une série qui s'intitule France-Québec. Oui. Ah, moi je pensais que t'allais parler un autre format court aussi. J'avais eu mon format court sur France 2. Voilà. Je jouais un dedans. Beau succès d'estime. Mais j'étais ravie quand même de travailler avec Adrien. C'était une des premières à faire bosser Adrien sur autre chose que du web en vrai. Non, mais c'est vrai. Access prime time. Ouais, c'est vrai. Juste avant Patrick Sébastien, on passait, alors autant te dire, complètement mon public. C'était l'occasion de découvrir que c'était pas tellement mieux payé la télé par rapport à Internet. Ah, c'est vrai. Voire moins bien. Mais France Québec, je parle ça parce que apparemment c'est dispo sur TV5 Monde maintenant. Donc voilà, arrête. Si vous êtes, ce n'est plus que sur OCS. Si vous mais d'ailleurs, la TNT. Oui, il y a des droits d'auteur sur. Je viens de penser que j'ai jamais touché. Je t'invite à te renseigner à ce niveau-là. Et aussi, du coup, ça me permet moi de rebondir sur ma propre actualité puisque. Cohen et Galland, les metteurs en scène et co-auteurs de France Québec, sont les gens avec qui j'ai écrit une série qui s'intitule La Flamme, qui sera sur Canal et là qui est en tournage et qui a plein de jolis mondes dans le casting. Et je sais pas quand ça sort, puisque en fait je pense que Canal va en faire un truc un peu cool vu que le casting est assez chouette, mais je sais pas quand ça sort exactement. Et puis effectivement, la série avec Adrien toujours. Et plein de petits trucs. Oui. On verra bien, vous savez, on se laisse porter par le vent. En tout cas, merci à tous d'être venus. Merci. Et puis très merci bientôt. Beaucoup. Ciao, bye. Bibi. Bye. Comment va-t-on faire tous les deux? Petit fœtus, je peux pas te garder, t'es trop cher. Comme Canal Plus, si je te laisse squatter mon utérus, tu m'appellerais maman et je t'appellerais Marcus. Ciné. t'es désolé, mais tu n'as rien d'une bonne mère. Ah ouais, vous pensez vraiment que je peux pas le faire? Sinès, s'il te plaît, ne te vexe pas. Mais on a marché dans une merde qui avait plus d'avenir que toi. Ah ouais, quand même. Maintenant, c'est vraiment pas le bon moment. J'ai pas le temps, pas l'argent, pas les sentiments. Mais pour le tas, je peux trouver une solution. Ouais, peut-être tu peux bosser dans une prison. Maintenant, c'est vraiment pas le bon moment. J'ai pas le temps, pas l'argent, pas les sentiments. Mais je peux peut-être lui trouver une petite place. Sydney, si tu fais ça, nous on prévient la tasse. Même pas faire de bons petits plats. Si j'ai fait un gâteau dentifrice une fois, je serais une mère fantastique. Oui, tu verras. Jamais je te dirai que Père Noël n'existe pas. Maintenant, c'est vraiment pas le bon moment. J'ai pas le temps, pas l'argent, pas les sentiments. Vous pensez pas que je peux patienter le froid. D'habitude, les hommes restent pas plus de 6 minutes en toi. Maintenant, c'est vraiment pas le bon moment. J'ai pas le temps, pas l'argent, pas les sentiments. Vous avez raison, je rate tout ce que je fais. C'est vrai, même ton bébé est déjà un raté. Allez, rentre chez toi. J'en ai marre de me rater, de prendre des gamelles. Personne ne voit que j'ai le potentiel de Coco Chanel. Être vendeuse de fringues, franchement c'est pas ma cam. Moi qui rêvais de Fashion Week et qu'on m'appelle madame. Peut-être je connaîtrais pas la fortune et la gloire, mais le smic c'est toujours mieux que danser au blush bar. Je vais changer de vie et tout recommencer, me reprendre en main et toujours le poing levé. Qu'elle voit en moi qu'un bon copain, un squatteur un peu mais qui n'a pécho que sa main. Je vais devenir un gars honnête, un papa génial, pour prouver à Sydney que je suis le mari idéal. C'est pas pour critiquer mais elle a pas de compétences. On a envie de la gifler quand elle parle ou qu'elle danse. Son enfant n'a aucune chance de rester en vie, comme un serpent qui se trouverait face à Florent Pagny. Merveilleuse, oui elle est merveilleuse. Ma fille t'es pas classe parfine mais c'est une bonne vendeuse. J'espère que grâce à elle nos ventes vont quintupler. Et si elle n'y arrive pas, je devrais m'en séparer. D'être avec toi le plus souvent. Je vais faire mon possible pour devenir une vraie maman.